de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Sydney Gilbert sera présente dans nos humbles studios pour inspirer votre santé. Et on recevra Frédéric Bernard pour Crackpot TV. Tu sais que dans santé, le mot TV sera juste V, puis V, c'est pas. Assemblage Requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis. On se mercredi 8 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Stéphanie. Bon match. Aujourd'hui, on fait une fusion de deux journées. On fusionne le mercredi avec le mardi. OK. C'est bizarre, étant donné qu'hier, on était le mardi. Après, avant ça, on était lundi, il n'y avait pas d'émission. Fait qu'on a fait des affaires du lundi et le mardi. Ouais. On transfère du monde du mardi au mercredi. Ouais. On reste le mercredi pareil. Fait que les gens du mercredi sont là pareil. Ouais. Puis là, on est comme vendredi parce que toi, tu travailles pas demain. Je travaille pas demain, mais je viens faire l'émission par contre. Ben, j'espère. Ben oui. Mais avant de parler de demain, parlons donc d'aujourd'hui. Hein? Donc, à 8h, on va avoir Cindy Gilbert et la chronique Activer votre santé. Mm-hmm. On va toujours avoir du plaisir à se mettre en forme avec elle. Et c'est la dernière. Ah, déjà? Moi, là, non. Inacceptable, hein? Parce qu'on est là encore pendant deux semaines, nous autres, là. On est encore pendant deux semaines, ben mais ouais. Ça va là. Ah oui? Ça va pas là. Donc, à 8h, Cindy Gilbert. Ensuite, à 8h30, Crackpot TV avec Frédéric Bernard. On parle toujours d'une nouvelle série à se mettre sous la... Là-dedans, j'essaie de trouver un mot à dire là-dedans. Sous le pouce. Sous le pouce. Zap, c'est bon là, ça. Ah, on est à l'arrête parce que c'est bon. C'est commun à tout le monde, même si tu dis genre connect, t'as quand même un pouce après les mains, oui. Fait que tu ben bouges, oui. Puis ça enlève oui. Pas le pouce, ça là. Channel, volume. C'est ça. Ensuite, à 9h20, on va faire du remplissage de 5 existe, ça devrait répondre là sur notre temps. Bah. Mais on débute avec Sébastien Evgartin, un réfugié du mardi, un réfugié politique, je pense. Politique de l'OGE, évidemment. Je sais pas s'il y a ça, des réfugiés politiques de l'OGE. Tu sais, quand tu démissionnes, faut-tu qu'ils te mettent dans un local spécial pour ça? T'es clairement mis en quarantaine. Ah, je pense que oui. Donc, c'est ça, c'est les beaux locuteurs. Voici. faut pas j'aille là. C'est la chronique éditoriale de Sébastien Evgartin. Bonjour Sébastien Evgartin. Bonjour, premièrement, je tenais à dire que c'est pas un camp de concentration qu'on a ou quoi que ce soit, c'est on en fait j'essaye de former une espèce de club des ex qu'on se renommerait le club des belles-mères, tu sais. Okay. Parce qu'on faisait des jokes, ben dans le fond l'année dernière, tu sais, ma chronique dans le zone s'appelait la belle-mère de l'OGE, tu sais. C'était un peu pour ça, je me vois un peu comme le Jacques Parizeau en tout cas de l'OGE. C'est quoi dans son prénom? C'est-tu Jacques? Jacques Parizeau. Jacques ouais. Parizeau, ok. Ça que oui. Ça me Paul, comme... ça fait pas. Non? Paul Parizeau. Non. Paul Parizeau. Ça fait des puffs dans le micro. Il mangeait du Paris Pâtezeau. Bref. Hein, tu voulais te dissocier de mes commentaires avant la chronique. Bon, ça, exactement. C'est bon. Je comprends. C'est pas drôle de rire des maladies au tiers-monde, Mathieu. Non, je sais. Je m'en suis pris aussi. Que t'as pas, t'es pas tout seul à vouloir te dissocier de ce que dit Mathieu. Fait que ça va. Ah, mais ouais. Donc, aujourd'hui, tu nous parles encore de ta chronique dans le Zone Campus. Et oui. C'est l'avant-dernière chronique de la session. Effectivement. De l'année scolaire, en fait. En fait, c'est pas tout à fait... Oui, c'est l'avant-dernière. Oui, il reste un numéro après celui qui sort aujourd'hui, hier. Moi, j'étais pour en écrire tout l'été, Colin. Tu sais, là, je les envoie à Myriam pour qu'elle les publie. C'est ça. Il y a de quoi à faire avec ça, il y a de quoi à faire. Il y aura un numéro spécial à la rentrée l'automne prochain. On met toutes ces chroniques de l'été dedans. C'est juste moi qui vais les imprimer sur mon imprimante chez nous puis qui va les distribuer dans le campus. Mais non, on va faire un carnet détachable. Là. Ah ouais. Ah, ça serait bon, ça. Ça serait bon. Avec ta photo dans le centre, pleine page. Le centerfold. Le Sébastien Fold Gartin. C'est couché sur le bureau de la... Je sais pas, sur un bureau quelconque, genre, avec une rose d'âge. Ouais, genre. Bref, avant le dernier numéro, j'imagine qu'on brasse des sujets encore pertinents, même en fin de session. C'est ça, on brasse un peu. D'ailleurs, c'est ma précédente chronique dans le journal traitait pas de ce que... traitait des élections, en fait, à l'OGE. Ouais. Puis quand je suis venu en studio après pour en parler, j'en ai pas parlé pendant tout. Non, parce qu'il y avait eu entre-temps le vote pour la grève. Ça, en fait, c'est ça, il y a eu l'annonce du vote, ouais. Le vote a eu lieu depuis. Ma dernière chronique, là encore, maudissons toujours notre format bimensuel. Oui, même à la radio, c'est le même. Encore... Oui, c'est ça. Ma dernière chronique sort déjà un petit peu après. Tu sais, c'est déjà un peu après. Mais je reviens justement un peu sur justement sur l'Assemblée générale de grève. Puis moi, il y a des choses qui m'ont frappé. Puis les gens qui vont me lire ou qui m'ont déjà lu, parce que là, d'habitude, je suis habitué de faire ma chronique puis que le journal n'est pas encore sorti. C'est là, il est dans les tablettes depuis hier. Oui. Les gens qui m'ont lu ou qui vont me lire vont se rendre compte que j'étais peut-être un petit peu en gros tabarnak que oh je l'ai écrit. Oh boy! Oh boy! Moi, je me dissocie de ces propos-là. Fait que ça marche de bord. Voilà. Fait que nous sommes quittes maintenant. Fait que je vais arrêter de dire des profanités. Mais non, c'est ça. C'est que... En fait, c'est un peu une chronique en trois parties qui parle de différentes remarques que j'ai à faire là-dessus. Ma première remarque, c'est ce qui m'a marqué, puis là c'est peut-être un peu de la genre de déformation de professionnelle de gars qui étudiait en philo, mais y avait-tu aucune forme d'argument, cette assemblée générale-là? C'était effrayant. Hey, en 2012, il y avait la gang de Carré Vert qui était... Il y a eu certains tapons là-dedans qui se sont fait du fun à cracher dans le micro, mais il y en a, tu sais, pour faire chier le monde. Ouais. Tu sais, de faire des dans le micro. Ah ouais, ouais, ouais. Mais il est arrivé avec des arguments, puis tu sais, il y avait eu comme débat, tu sais. T'as beau être là, contre, et c'est quand même des arguments valides ou valables. C'est ça, tu sais. Là, on arrive en assemblée générale, puis le truc qui se fait le plus applaudir, c'est ben, moi, ça me tente pas d'aller manifester. Puis après ça, on vote tout de suite après, puis ça passe pas. Ouais. C'est comme ok, ouais. Tu sais, il y avait des bonnes raisons d'être contre, je pense. Plus cette année qu'en 2012, puis pourtant, il n'y a rien de ça qui a été dit. Okay. Donc ça, c'est dole, ouais. Premièrement, parce que, tu sais, en quelque part, le but de l'Assemblée générale, c'est justement de discuter, puis de... Tu sais, l'idée, c'est d'arriver un peu à un genre de consensus. Le de, plus possible. Tu sais, c'est ça, de trouver trouver, c'est un peu le tant qu'à moi, le gros argument contre toutes les histoires de vote électronique, puis ainsi de suite, c'est que c'est pas rien que de voter sur oui, non, la grève, c'est de voter les modalités, puis de dire... Y a-tu une modalité de grève qui ferait l'affaire de tout le monde? La t'sais. Durée. La durée. Tu sais, je veux dire, il y a des détails, là, des fois, là, des affaires. Telles affaires seront pas touchées, telles affaires. Tu sais, il y a un paquet de choses qu'on peut faire excusez-moi le terme, mais du fine-tuning. Tu sais, pour arriver à quelque chose qui va être. Paramétrage personnalisé. C'est ça, tu sais. À la limite, il aurait pu être demandé de dire, ben, regardez, nous autres, on n'a pas le goût de manquer des cours, tu sais, de ne pas se pointer à des cours, on n'a pas le goût de faire du piquetage puis tout, mais. À place de dire grève, on va demander une levée de cours. T'sais. On va dire, là, j'ai eu QTR, il y a eu une demande des membres étudiants pour que l'université permette de ne pas aller au cours cette journée-là pour aller manifester. Ça aurait pu être une chose. Il n'y a rien eu de ça. Fait que c'était décevant là-dessus. T'sais. Là encore, c'est pas une question de... c'est décevant que la grève aille passer ou pas passer. T'sais. C'est surtout une... C'est surtout plate comme décision, ouais. Comme manière de prendre une décision. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ça met toujours encore en relief quand il y a des assemblées générales de grève les problèmes de fonctionnement de l'OGE. Puis là, c'est peut-être un sujet un petit peu plus de bureaucratie, mais c'est une belle occasion de faire un gros facepalm pour une belle-mère comme moi qui est à l'UQTR depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait des années qu'on en parle de ça, puis il n'y a jamais rien qui se fait. Pour donner du contexte, je m'introduis très très longuement. Hein, c'est qu'en 2012. C'est bon, les préliminaires. C'est ça, ouais. C'est ça, les préliminaires, c'est important. Ouais. j'ai un paquet de choses qui me sont passées par la tête. En 2012, on est allé en grève en GGI. On a passé plus de temps à bloquer le campus puis à sortir notre monde de leur classe qu'à faire quoi que ce soit d'autre. Puis l'UQTR, c'est pas un campus évident à bloquer. Là, c'était tout le campus qui était à bloquer, qui avait du monde qui se pointait à des cours qu'il fallait régler, puis ainsi de suite. Puis ça faisait des votes de grève bizarres. Parce que la grosse assemblée générale qu'on a eue en 2012, on a pété des records. Il y a eu 2500 personnes dans le CAPS. Moi, petite affaire, le responsable de la sécurité publique de l'UQTR, le monsieur qui gère les gardas, il nous a dit que il aurait pas empêché du monde de rentrer parce qu'il avait peur de créer un émeute, mais il nous a dit on est sur le cap. Si on était strictement légal, on fermait la porte après la dernière personne qui est sortie, qui est rentrée, parce que c'était ça. T'sais. Toutes les salles ont une limite légale de taille pour le feu, etc. les gymnases du CAPS, c'est 2500 personnes, puis il y avait 2500 personnes dans le CAPS. Je pense que c'est pour les odeurs aussi. par l'assurance. Surtout que c'est je sais pas si vous étiez là, les deux en 2012, mais toi Mathieu, tu devais pas être là, mais... Physiquement présent là. Sûrement pas, non. Non, c'est ça. Non. Non, moi, je trompais l'UQTR avec l'Université Laval. Ah oui. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'en plus, il y a eu un vote secret, puis le vote secret, veux pas, ça a été extrêmement long, parce que, regarde, on s'était préparé, c'était long pareil, ça. Fait que le jeu a duré très très longtemps avant de donner le résultat. Fait que oui, des odeurs, il y en avait. je peux te l'affirmer. Mais c'est ça, c'est que ça fait des votes énormes. Puis par la suite, pour faire un vote de reconduction, on avait été critiqué parce qu'on avait fait un vote électronique finalement. Quand tu dis on, c'était dans le jeu. Ouais, c'est ça, c'est que j'étais sur l'exécutif dans ce temps-là. Tu sais, quand je parle de mes expériences de l'OGE, c'était pendant ça, c'était pendant la grève de 2012. Ouais. Fait que moi, j'étais dedans pas à peu près. Mais c'est ça, tu sais, on avait décidé de faire un vote électronique parce que c'était impossible de réunir, d'avoir une place, une salle assez grosse pour que tout le monde qui avait l'intention de venir vienne. Il n'y en avait juste pas à Trois-Rivières. Il a fallu louer la salle au centre-ville, là. Le Stratos. Ouais, ouais. Je pense que c'est le deuxième étage du temps d'une pinte. Non, je parlais de la salle Gia Thompson, mais quand même là, je pense qu'on aurait même pas eu à cette place. Mmh. C'était comme impossible à tenir. Fait où il aurait fallu faire ça sur un terrain de soccer, une affaire ouais, comme ouais, ça. Ouais. C'est une affaire qui a pas. Une affaire à Times Square. Ben, c'est ça, en 2012, on comptait 10 000 membres de la GEUQTR. Ouais. Ce qui est quand même dur à caser dans toute une place. Ouais. Mettons que tu dis, il y en a tout le temps peut-être un 10% qui se pointe juste pas. Mm-hmm. Tu sais, dans le pire des cas. Fait que ce qu'on suggérait, c'était, en fait, ce qui était la grosse conclusion, tu sais, quand on finit notre mandat à l'OGE, il faut qu'on fasse un rapport de fin de mandat, puis on suggère des pistes de développement à l'avenir. T'sais. Le prochain qui va prendre ton poste. C'est ça, tu sais, puis en exécutif aussi, par pour le conseil, en tant que conseil exécutif, les problèmes qu'on a rencontrés. Puis toute la grosse conclusion de tout le monde, c'était faut décentraliser l'OGE. Il faut renvoyer des pouvoirs vers les assos de programme ou vers comme créer un autre palier d'associations, des genres d'associations de secteurs. Il y a eu des efforts de fait dans les dernières années là-dessus. Il y a eu des comités qui se sont réunis, qui ont commencé à monter des plans de ça puis tout. Et ça ne s'est pas fait. C'est long avec des comités. Je dirais la grosse raison, en fait, c'est que ça va être drôle de dire ça, mais c'était trop le monde qui connaît ça qui était là-dedans. Okay. Dans le sens que c'était toute la même gang qui sont là sur le comité d'affaires sociopolitiques. C'était toute la gang qui sont sur le CA. C'était toute la gang qui sont sur le comité des services. C'était toute la gang qui sont déjà dans 40 milliards d'affaires, qui ont leur idée très, très, très précise de eux autres, ça devrait être quoi. Puis là, ça fait que t'as plus de misère à prendre la perspective. Fait que là, puis j'ai été sur ce comité-là, je m'inclus dans ce que je reproche. Là. Il y a eu beaucoup trop d'ostinage de virgule comme on reproche souvent à ces genres d'instances-là de faire. Mmh. Mais une virgule, ça peut tout changer. Ouais. Une virgule, ça peut tout changer, mais il y a des limites à un moment donné aussi à s'ostiner dessus. C'est pas toutes les virgules qui peuvent tout changer non plus. T'sais. Puis il y a des fois, c'était carrément des ostinages de dénomination. Il y avait une certaine substance derrière ça, mais tu sais, on va être une confédération ou un mouvement. Une différence, mais bon. C'est la façon de dire qui est différente, mais ça veut dire la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, quand l'AG cette année a été annoncé, ce qui était le fun et pas en même temps de voir, c'était que il y a eu énormément de posts sur le groupe, le groupe de l'événement. Pour chialer que l'AG, c'est pas légitime parce que c'est pas tout le monde qui peut se pointer, puis ainsi de suite. Puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut être là. Dépend de l'heure, du jour, de l'endroit, les gens sont pas nécessairement ici. Puis je veux dire, en quelque part, il existe pas de local assez gros pour que tous les membres puissent être là. C'est un gros problème de légitimité, ça, en fait. Mais là, c'est... Ouais, ça aurait été un problème s'il y avait eu de la misère à entrer, mais finalement, il n'y a pas eu personne qui était repoussé. Là. Ben c'est ça. Finalement, il y a eu à peu près 1000 personnes. Bon, mais c'est ça l'affaire. C'est que, mettons que tu prends les votes de grève par genre de faculté, mettons, à la place, là, parce qu'il n'y a pas de faculté à l'UQTR, là, on n'a pas cette structure administrative-là à l'UQTR. Mais mettons qu'on se crée des regroupements d'associations de programmes, tu sais, qui ressemblent à peu près à des facultés. Là. On met les programmes qui fêtent ensemble. Eux autres prennent un vote de grève. Là, sont 500, 1000 membres à la place. pas mal plus facile à fitter dans le justement dans les gymnases du CAPS ou dans le. Puis là, tu peux être sûr de toutes les avoir la même journée. Ouais. C'est plus facile, ils ont les mêmes cours, ils ont les mêmes activités, souvent plus les mêmes activités extra-curriculaires. Aussi. Oui. Tu sais, les petits bacs fermés, des fois, ça. Non, on sait jamais. Concubinaire. Là, je dis ça, puis en philo, on est un petit bac fermé, puis on est genre 59 gars, puis 3 filles. Puis on est tous couchés ensemble. Couché ensemble, c'est clair. En philo. Ouais, là, ma gang maillie présentement. Mais, ouais. Mais non, c'est ça, tu sais, essayez de faire ça. Tu sais, ça va rendre les grèves plus faciles à faire. Ça va faire des grèves plus consensuelles en quelque part parce que, tu sais, certaines assos qui vont être en grève plus longtemps et plus fortement, si on peut dire, puis d'autres qui ne seront pas pantoute, puis que, just too bad, les autres font leurs petites affaires, vont leur cours pareil, puis ça finit là, tu sais. Fait que, on pointera pas la SK du doigt, mais c'est quand même de ça que je parle. On les nommera pas, mais. Les bouteilles d'eau, là. Ça. Ah. Ouais. Non. À salopette orange. À salopette orange, c'est génial. Mais non, c'est ça. Ben, en 2012, Génie, si je me rappelle bien, ça a été les premiers locuteurs à tomber en grève, d'ailleurs. Ou d'un premier, en tout cas. Non, je sais pas, je me rappelle qu'ils étaient dans le même coin d'un locaux, fait que j'y mélange des fois. Tout pareil. Non, c'est ça. Raciste. Fait que, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des assos qui tombent typiquement en grève facilement, puis il y a des assos qui tombent typiquement en grève rarement. Ouais. Donc, à un moment donné, tu sais, ceux qui veulent militer, militent, puis ceux qui veulent pas militer, militent pas. Ça peut sembler antidémocratique d'une certaine manière parce que là, c'est de dire, bon, ben, on découpe le vote pour que ça fasse notre affaire, mais c'est qu'à un moment donné, c'est des. Le membership de l'UQTR est tellement. De l'OGUQTR est tellement diversifié que tu peux. À un moment donné, t'arrives juste plus à rien sans ça. T'sais. Donc. C'était un peu ça qui était réfléchi. Puis ne serait-ce que le fait d'être capable de tenir des assemblées générales dans des locaux qui, que tout le monde, tous les membres peuvent être là. Ben ça, tous les gens concernés entre guillemets peuvent être présents. Ben tu sais, c'est ça. C'était un peu ça le but. Puis là, je vais encore dans ces affaires-là, mais où ce que je voulais en venir, c'est que t'as vu un paquet de monde se plaindre que c'était qu'il fallait réformer puis qu'il fallait tout changer puis tout, puis c'était des. Puis là j'étais comme, c'est le fun des gens qui sont pas impliqués dans les habituels impliqués, tu sais, qui finalement s'intéressent un peu à la structure de l'OGE puis tout, c'est peut-être du monde qui vont finir par s'impliquer, puis ça va peut-être augmenter la base de gens qui sont un peu plus impliqués parce que c'est plate, mais c'est tout le temps les mêmes qui sont dans tout à l'OGE. Tu sais, je veux dire, si tu veux savoir c'est qui va être sur l'exécutif d'une année, tu regardes le CA de l'année d'avant, pis c'est sûr que la moitié au moins sont là. L'autre moitié, c'est du monde qui est déjà sur l'exécutif. C'est très souvent ça. Fait que ça, à un moment donné, ça vire tout le temps dans le même monde. Fait que c'est le fun de voir du monde pas impliqué, mais qui veulent finalement s'impliquer sur une affaire. Fait que ça amène une nouvelle vision, pis ça amène. C'est du monde qui justement va avoir moins le nez dedans, pis vont être moins dans le taponnage, pis. Ça peut être intéressant. Fait que là, c'était le fun. En même temps, c'est sûr qu'il y a eu bien des choses qui se sont dites qui étaient un peu très beaucoup mal informées. Mais au moins, tu sais, c'était du monde qui essayait. T'sais. Fait que, dis bon, c'est une bonne affaire. Et oui, il y a un début à tout. Là. Tu peux pas arriver tout connaître. Là, tu commences quelque part là, si tu veux t'impliquer. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est que ça a promis de faire des pétitions pour faire des changements au règlement général, ainsi de suite. Parfait. Go for it. Très bonne idée, tu sais. Puis là, ben là, ça fait déjà plus que 2 semaines de ça. C'est rien passé. Mais non. Pas en tout. C'est ça. Ça, la fois qu'on a vu, c'est une pétition qui demandait. Ça, c'est un peu drôle d'ailleurs. C'était une pétition qui demandait qui était pour envoyer à la rectrice. Il y a eu 1000 personnes qui ont signé ça à peu près pour demander à la rectrice de ne pas reconnaître le vote de grève. Okay. La rectrice n'aurait pas reconnu le vote de grève, premièrement. C'est la première raison pour laquelle c'est drôle. Puis ceux qui ont fait la promotion de cette pétition-là disaient que c'était parce que l'Assemblée générale n'était pas légitime, puis ainsi de suite, parce que c'était pas tout le monde qui pouvait être là. Moi, personnellement, j'ai entendu parler de la pétition, puis avoir voulu la signer, j'aurais même pas pu, parce que j'avais aucune idée où ce qu'elle faisait signer. Puis j'ai passé cette semaine-là à l'UQTR au complet, j'ai jamais vu personne faire signer ça. Okay. Fait que, tu sais, au moins, l'AG, c'est pas tout le monde qui est en congé pour se présenter, mais au moins tout le monde le sait, et où, puis quand. T'sais. Oui, c'était affiché. Moi, c'était mon petit, ouais, tu sais. Écoutez-vous, t'sais, regardez-vous aller avant de chialer. Ouais. Mais c'est ça. Mais en même temps, je trouve ça correct qu'ils aient fait une pétition pour ça. T'sais. Ils ont quand même réussi à en avoir 1000, c'est quand même pas pire. C'est quand même, t'sais, ça montre qu'il y a une volonté derrière ça. Tout ça. Ou que les gens, c'est n'importe quoi. Au moins un des deux. Aussi. Ouais. C'est sûr que il y a eu, puis ça, moi, ça c'est une chose que j'ai entendue, puis j'ai pas ça m'a pas été j'ai pas vérifié ça là. Mais apparemment qu'au Michel Sarrazin, il y a la clinique d'aide psychologique puisque les doctorants en psycho font leur stage. Puis il avait été véhiculé apparemment, ce qu'on m'a dit, que par certaines personnes qui faisaient signer cette pétition là, que s'il y avait une grève, les clients de la clinique qui sont des gens hors de la communauté universitaire ne pourraient pas venir à leur rendez-vous, ce qui était complètement faux. Okay, là, je veux dire, ben, historiquement jamais une grève a mis ces services là en danger public, dans le fond, c'est ça. Je veux dire, si jamais c'est la même chose, la manière, c'est ça, c'est un service public aussi qu'on donne, puis c'est ça a tout été considéré, tu sais, je veux dire, ça devient une injustice parce que les gens qui ont leur stage en dehors du campus, eux autres sont pas touchés de toute façon. C'est un peu fait que c'est ça, tu sais, à part quand que là vraiment la grève en soi devient un moyen de pression, comme mettons ce qu'ils font à l'UQAM. Qui est une autre belle boîte de Pandore que je suis pas sûr que je vais ouvrir un matin parce qu'on peut en parler 4 heures. c'est pas ça qu'on fait à l'UQTR. C'est pas le fait d'être en grève, c'est pas en soi le moyen de pression. Comme là, c'était ce qui avait été proposé, c'était une grève d'une journée pour aller à la grosse manif du 2 avril. C'est pas la même chose. Souvent, c'est facile de faire un amalgame avec grève au sens. Je m'excuse, j'ai l'air de taper sur leur tête, là, mais au sens UQAMier. De dire qu'on fait juste aller en grève puis on brasse jusqu'à temps qu'on ait ce qu'on veut, c'est pas la même affaire. C'est le même mot, mais c'est pas la même affaire. Là, c'est jusqu'à un certain point, il y a des places où ce que nous autres on demande, ils appellent ça demander une levée de cours à la place. Okay. Puis si la levée de cours est pas donnée par l'administration, ben on se la fait nous-mêmes. Fait que ça finit par être, on appelle ça une grève. Traditionnellement, le géocuteur, on appelle ça une grève, donc on appelle ça une objet de grève et ainsi de suite. C'est encore s'enfarger dans les phases du tapis de couper les cheveux en quatre. Ben c'est ça, tu sais. Est-ce que c'est une grève, est-ce que c'est un boycott, Moi, c'est sûr que le mot boycott, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, il y a eu des gros ostinages sémantiques là-dessus. Puis moi, le principal problème que j'ai, puis là je tombe dans mon domaine un peu. C'est une philo, ostinage de virgule. Hein. C'est que le boycott, c'est pas une action collective, c'est une action individuelle, tu sais. Puis t'encourages les gens à suivre ton action individuelle pour qu'elle ait plus de poids, mais c'est pas une action collective. Une grève, par définition, c'est une action collective, tu sais. C'est on se met tous d'accord pour le faire, tu sais, puis on le fait ensemble. Le boycott, tu le fais un à côté de l'autre, la grève, tu le fais ensemble. Puis boycott, c'est sexiste, c'est person cut. T'as tellement raison. Person cut. On fait des person cut. Et bon. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais. Ah, c'est l'habitude que j'ai prise. C'est ça. Hein, c'est le gars. Hein. Le gars. Fait, le gars, c'est le rendre ça léger. La personne. Ouais, la personne. La personne, excuse. Exactement. On n'est pas sexistes, nous autres. Le terrien. Voilà. L'humain. Oui. La créature. La mode d'attendre. Le grand essor, oui, t'as raison. J'osais pas te le dire. Non, hein. Merci. T'as dû laisser faire, Steph. Quoi? Hein? Écoute. De me traiter de masse de gras. C'est une blague. J'ai rien dit. Je sais pas. Je pense que Steph. Je suis même pas embarqué là-dedans, moi. Je me mêle pas de vos histoires. De toute façon, je pense que Steph a un droit acquis sur les attaques à dominem envers toi, Mathieu. Je me mets pas entre vous deux, là. Non. Dans le tir, la ligne de tir. C'est ça. D'érable. Sur neige. Tir d'érable sur neige. Oh, la ligne de tir d'érable sur neige. Cabane à sucre. C'est une bonne idée, ça? Oui. Battre dans le tir, demain. Directement dans yeah. Paraît que la saison du la saison des érables est pas encore commencée d'ailleurs. C'est vrai que ça n'a pas encore commencé à couler. Ah. Ben non, faut qu'il fasse chaud dans le jour. C'est vrai. Chaud dans le jour, froid la nuit. Ouais, je sais pas si on va en avoir ça. Ça va juste être retardé. Avec hein? Chantal Toupin, ouais. Mais effectivement, ça sera probablement pas une saison de feu. Non, ouais. Non. Fait qu'on pourra pas faire, on pourra pas se battre dans la tire pour. Ça ne pourra pas être une manière légitime de décréter une grève. Un combat dans la tire. Ben, t'as juste à sortir ton sirop d'érable l'année passée pis à t'en faire, t'as c'est vrai, dans le fond, ça fait moins mal au cœur de le gaspiller que du frais, tu sais. Du frais, mais ça perd pas sa fraîcheur. Du sucre d'érable après quelques jours, il est moins bon. Sirop d'érable? Sirop d'érable, ouais. Ben, tu le mets au congélateur. Tu gardes pas ça dans ton frigo pendant un an. Ah, c'est ça la solution. Bon point, bon point. Mm-hmm. C'est vrai, bien vu. Mais là, tu peux pas le fermer hermétique. Ah, ben oui, tu peux le fermer hermétique. Ben, moi, j'ai des pots maçons de sirop d'érable. Une chance que t'es là, Steph. Fait qu'un un thermomètre à bonbons, là, tu peux te faire ça de la tire. Un thermomètre à bonbons. Master Steph, mesdames et messieurs. C'est ça. Mais, ouais, ça, j'allais dire que printemps érable, c'était mensonger parce que moi, je m'attendais à avoir de l'érable quand il y avait le printemps érable. Fait que ben, c'est ça que ça, c'était décevant. Je vais profiter, je vais prendre ta balle au bon. Moi, l'expression printemps érable, là, elle m'écœure en tabarouette. Ouais. J'ai peu, toujours détesté ça. Tous les jeux de mots, on sait bien que c'est ça. Hein. C'est même pas. C'est parce que l'expression avait été inventée en 2012 par un journaliste français qui couvrait les grèves étudiantes du Québec puis qui riait de nous autres parce qu'on s'est pas manifesté. Arrête. Ce qu'il disait, c'est drôle, les Québécois, ils savent pas manifester, tu sais. Ils savent pas gérer ça, eux autres, une grève. T'sais. Autant il y a autant des étudiants qui savaient pas manifester qu'autant que du gouvernement qui gérait ça tout croche. Mais, tu sais, c'était vraiment péjoratif. Nous autres, on a repris ça, ouais, printemps érable, pis tout. Pis, tu sais, printemps érable, tu sais, printemps. Faut voir ça du bon côté. On est capable de prendre des petites choses comme ça et de virer ça en notre faveur. Ouais, c'est ça. C'est, ah, tu me diras pas quoi faire, pis tu me diras pas comment je suis, pis ouais, ça t'apprendra, ouais. C'est pas fou, ça? Non. Bref. Non, c'est... Ouais, tu es pas là d'accord. Bon côté de la vie? Ben, ouais. C'est... En tout cas, j'aime sa façon de réagir. En tout cas. Quel argument de fille. Avec le... En tout cas. Par la maman. Pour les gens qui sont pas en studio, Steph a vraiment fait le vrai move de main. Ben ouais. Là, ouais. Trop snazzy. Avec le claquement de doigts. Hein. Alors, non. Bref. Non, ça, c'est des mamas qui font des ça. Des mamas. Sébastien Viertin, dans deux semaines, dernière chronique de la session. Ouais, on va être en deuil. En fait, dernière chronique, est-ce que c'est dernière chronique à vie pour toi, pour l'éditorial dans Zone Campus? On sait pas. J'ai le goût de dire, ah. On sait pas. En tout cas. Je vous dirais que ça penche du côté du nom, mais on sait pas. Denis Michel a dit que c'était son dernier bye-bye, mais... Puis écoute, comme une en bonne belle-mère que je suis, je vais faire comme Parizeau, je vais dire, là, c'était la dernière fois que je parlais. Oui. Jusqu'à la prochaine fois. Ben, la prochaine fois, du moins, pour l'instant, sera mardi, le vrai jour. Le vrai jour, ouais. Dans deux semaines, à 7h30, toujours la même heure. Toujours. En début d'émission. Merci Sébastien Viertin, on file dans Zone Campus. Merci à vous. Lisez-moi dans Zone Campus. Ça fait plaisir de te lire dans Zone Campus. C'est un ordre, ça? S'il vous plaît. Okay. C'est plus un ordre maintenant, c'est poli. Ouais. On écoute une pièce du palmarès francophone, comme toujours. On écoute une pochette vide. Ben non, transparente. C'est navaire qu'on s'en va entendre. Mais je sais pas, c'est parce que t'as regardé une pochette vide, pis... Ben, sûrement parce que navaire, tu sais, il y a comme le mot R dedans, mais c'est N-A-V-E-R-T, mais bref. Hein? Ouais, mais... Navaire, ça veut dire qu'il y a pas d'air, il y a navaire, pas. Ah, peut-être, ouais, comme il va navaire du sport avec... Tu es belle. Don't de Navarre et trouver asile à Assemblage requis. Au retour, Cindy Gilbert et Activez votre santé. Dernière chronique. Oh. Ouais. On était heureux jusque-là, hein? Musique en marge. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, merci de rester avec nous à Assemblage requis en ce mercredi 8 avril. C'est Philippe Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Pour une dernière fois, malheureusement, c'est comme non. ça. Ouais, c'est pour bien faire le jour. Tu mettras Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ah, oui. Oh. Voici Cindy Gilbert et Activez votre santé. Je ne dirai plus jamais aussi en forme qu'après cette intro de feu! Activez votre santé, Cindy Gilbert. Hey, salut, salut! Salut, ça va? Hey, oui, top shape en feu. Yes. Oh. Hey, tu parlais de dernière fois, c'est comme si c'était la dernière fois à vie, puis qu'après ça. Bon, revenir, là, au mois de septembre. Ah, oh, ben là! Vous allez me réinviter. Ok, ben, je créerai que. C'est sûr! Parce que mon bac est fini, vous ne m'inviterez plus. Non, non, non. Ah, non, non. Fini. Hey, je calculais ça vite le matin, là, dans un élan d'illumination avec mon deuxième café entamé. Là. Il me reste 20 dodos. Avant d'avoir terminé mon bac. On fait la bague! Il nous reste 14 émissions en comptant aujourd'hui, c'est ça? C'est ça? Ouais, 14 avec aujourd'hui. Yeah! Ah! Ouais. Fait que, c'est que du bonheur. Hein? Ouais, ouais, on, ouais, on est à la fin. Puis 48 avant l'été, si je me trompe. Avant le printemps. Ouais, c'est ça. On n'a pas eu le printemps encore. Ah non, ah non. Donc, aujourd'hui, on parle évidemment de forme, de santé, de oui. peu importe ce que vous voulez faire pour être heureux dans la vie et bien dans votre peau. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, c'est la suite de la semaine passée, c'est ben vrai, j'avais oublié ça. T'avais oublié, c'est parce que la semaine passée, je vous parlais. C'est deux semaines, ouais. Ouais, deux semaines. Bah. Ouais, c'est pas grave. Je vous parlais de la course à pied. Mm-hmm. Je vous ai amené comme plein de façons, de petits trucs de base par rapport à votre, à l'habillement, aux chaussures, aux techniques de progression et tout ça. Mais tu sais, la course à pied, là, c'est tellement un art en soi que, oui, on en a parlé pendant 30 minutes la dernière fois, mm-hmm. puis oui, on va reparler pendant 30 minutes aujourd'hui, puis c'est sûr que ça sera pas suffisant. Mais j'espère, parce que là, il y a des personnes qui sont habillées dans leur corps de porte puis qui attendent juste la prochaine chronique avant de partir. Là. Mais comment je vais faire pour courir? Parce que la course à pied, il y a tellement long à apprendre sur ça parce que, tu sais, on se dit déjà en partant, bon, ben moi, je marche depuis l'âge de, je sais pas, moi, 8 mois si j'étais bien, bien bon, là. Puis je cours peut-être depuis l'âge de 1 an si j'étais bien, bien bon aussi. Bon, donc, bien, si ouais, j'étais bien. Mais non, mais si j'étais, comme je parle de la personne qui serait peut-être en mesure de le faire, moi, à 8 mois, je pense que j'avais encore de la misère à me tenir assis. Faudrait que je confirme avec ma mère et mon père. Alors, ceci étant dit, tu sais, on se dit, ben, regarde, c'est pas sorcier courir, là. Je suis capable de marcher, je suis capable de courir. Tu sais, j'ai déjà couru dans ma vie, là, j'ai couru après l'autobus, j'ai couru, je devrais être en mesure de dire, bon, mais là, je me lève un matin et je m'en vais courir dehors. Mais visiblement, on y va et on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Il y a des techniques, c'est un art en soi, à apprendre à courir. Fait que là, aujourd'hui, je veux enchaîner sur ce que je vous ai parlé un peu la semaine passée, mais rentrer un peu plus dans les... Dans le plan technique de la chose. Mais là, technique, sans nous causer un mal de tête, puis vous êtes obligé d'arriver avec un plat de Tylenol, là. Je vais essayer de vous le concrétiser parce qu'il reste aussi qu'on est à la radio, puis je peux pas mimer les affaires. Fait que je vais essayer de vous ben, le. Tu pourrais. Je pourrais, ouais, je pourrais, mais ta caméra 4 est brisée. Non, hein, c'est... On a juste une, puis c'est la numéro 3. Bon, pense. Voilà. Mais, au pire, on a le micro magique. C'est ça, on va super bien t'entendre. Mais, check, ben, je vais vous donner des images, j'allais tout comprendre. Puis là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je vais vous donner un paquet d'informations. C'est pour vous guider, pour vous donner une petite base. C'est-à-dire, okay, avoir une idée générale, mais si vous partez demain matin puis vous essayez de tout mettre ça en application, vous allez déjà être essoufflé, vous n'aurez même pas commencé à courir encore. Parce que c'est plein d'affaires à essayer de concilier ensemble. T'sais, on peut se dire, déjà en partant, de dire « je m'en vais d'une façon détendue puis relaxe courir sans essayer de se concentrer à tout mixer ça ensemble », on va déjà dépenser moins d'énergie. T'sais, fait que dire « regarde, prenez-en, puis laissez-en des techniques que je vais donner parce que c'est un apprentissage à long terme. » C'est comme les petits bols de sand sur le comptoir au dépanneur. Take a penny, leave a penny. Tu mets une sand, tu reprends une sand. C'est ça. Ça dans le temps, hein? Ouais, ben ouais, j'ai jamais repris la sand, moi, par exemple. Non, hein? Je sais pas, je me serais senti. J'ai le droit? Ah, ben, Colin. C'est déjà arrivé des fois. Oh non, il manque une sand. Pas grave, c'est le caissier qui prend la petite sand dans le petit coin. Ah, bon, ok, vois-tu. Moi, je paye avec intérêt. Mais là, les sand, ça existe pas. Je paye avec intérêt. Non, c'est. Ça gâche tout, là. Je viens de me briser un magie. Non, c'est rendu des bacs à pièces. Prends une pièce, autre pièce. Ben oui. Alors, mettons qu'on parlerait de posture pour commencer. Tu sais, on sait qu'il faut avoir une bonne posture pour courir. T'sais, si je vous dis ça, je pense que je n'apprends pas grand-chose. T'sais, dans la vie, hein, dans la vie, il faut avoir une bonne posture. Ah ouais. Mais pourquoi avoir une bonne posture? On va se faire un exemple. Moi, j'aime ça, les exemples concrets. Là. On va le faire là. Là, là je ne vous ferai pas lever pour courir. Là. On va prendre, on va rester assis. On va prendre, puis ceux qui écoutent peuvent faire la même chose. On va prendre une mauvaise posture. Mauvaise faut me regarder dans ce temps-là. Oh, ouais. Okay, on va se dire mauvaise posture, là. On foin par en avant. Ouais. On relâche les abdominaux, les épaules sont cambrées par en avant. Est-ce qu'on est bien? Ah, ouais. Ah, ouais. La tête, à la limite, elle est par en avant aussi. Là. Fait que là, vous êtes comme dans une mauvaise posture. Le dos, il est rond. Mm. Vous essayez de prendre une grande inspiration. Puis d'expirer. Non, non, garde ta mauvaise posture. Là, là, il était rendu drette. C'est mauvaise posture. Wow, le dos à la fois. Reste effoiré par en avant. Ouais. Puis essaie de respirer, juste voir comment que ça va pour respirer quand t'es foiré par en avant. Non. Puis là, mettons, fais la même affaire, juste remettre ton dos droit, là. Là, t'es droit, là, pas de façon forcée, là, mais droit normal. Puis là, prends une grande inspiration, juste voir comment que ça rentre. Ouais. Stéphanie, elle fait le même bruit. Mais juste voir déjà assis comment que la posture peut faire une différence sur la respiration. Comment que si on applique ça dans la course, ça va nous aider à mieux courir, d'avoir une bonne posture plutôt que d'avoir une posture cambrée à l'avant quand on court. Ouais. Fait que déjà, la posture en tant que telle va nous aider à avoir moins de blessures, moins mal dans le cou, moins mal partout, mais aussi puis améliorer notre technique de course, mais va nous aider à mieux respirer. Tu sais, quand on parle de mauvaise posture, c'est tout ça. Là. Tu sais, chez les courants, quand on va analyser des nouveaux courants, les mauvaises postures qu'on va voir, c'est la tête avancée par rapport au corps, les épaules cambrées par en avant, le dos arrondi. C'est des mauvaises postures en tant que telle. Puis là, c'est à l'inverse, puis j'aimais ça, Mathieu, ce que t'as fait, puis là, je vais essayer de l'expliquer avec des mots, ce s'il que t'as plaît, fait. Ouais. T'as bombé le torse. C'est vrai ça. À l'inverse, on dit, OK, prends une bonne posture. Là, on est porté à faire le mouvement inverse, puis bomber le torse. Là, on s'imagine, on est en train de bomber le torse. Ce qui se passe, c'est qu'on ramène drastiquement les épaules vers l'arrière. Ouais. On engage les groupes musculaires au niveau du dos d'une façon exagérée. Là, tu essaies de courir, là, mais tu as une dépense d'énergie dans ton dos pour essayer de ramener tes épaules comme des fous en arrière. Tu as une dépense d'énergie inutile juste à essayer de bomber le torse. Fait que, tu sais, on dit une posture neutre, tu sais, les épaules relâchées. Fait que pas de tension dans les épaules. Fait que tu dépenses pas d'énergie au niveau des épaules, au niveau du dos dans ta course parce que tu restes quand même relax. Fait que, tu sais, quand tu dis, déjà, là, juste ça, là, je parle de posture, là. Puis là, tu te dis, OK, là, je m'en vais courir, là, il faut pas trop cambrer, pas trop en arrière, pas trop. Tu sais, on se dit déjà juste, regarde, détendu, relax, une posture quand même droite. Un truc qu'on peut se dire aussi, c'est, tu t'imagines que tu cours comme si tu avais une ficelle au-dessus de la tête. Puis que ça, tu sais, ça te permet ça de garder un ficello. Un ficello aussi. Là, tu regardes en haut, puis là, tu essaies de courir pour aller chercher parce que t'as faim. Moi, c'est un ficello, c'est clair. C'est une carotte en avant. c'est rare que je cours après une carotte. Mais moi, une grotte de fromage, l'illusion va être parfaite. Tu sais, c'est moi qui me disais carotte, ouais. OK, c'est ça. Moi, je cours après carotte. Assume-toi, assume-toi. C'est ça. Des choses pires que ça. Fait que tu sais, c'est d'essayer de garder ton dos droit, mais sans essayer de trop virer fou avec ça aussi. Là. C'est une bonne posture. Au niveau des abdominaux, quand on se dit, puis tu sais, ça, c'est applicable à la course, là, on va se dire engager les abdominaux. Tu sais, toi, Stéphanie, tu dois m'entendre souvent dire ça, là, engager vos abdominaux. Ah, j'en rêve. Tu commandais un sous-contractant, là, t'as petit engager. Engagez-vous, qui disait, dans l'armée. Mais engager vos abdominaux, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si tu dis, ah, ben engager mes abdominaux, ça veut dire rentrer mon ventre. On va faire le test. On fait des tests aujourd'hui, là. Vous êtes comme mes rats de laboratoire. Rentrez votre ventre avec le nombril de façon drastiquement, là, comme si ton nombril voulait aller toucher ta colonne vertébrale. Puis, t'essayes de respirer. Essayez voir. Il y a une petite difficulté là-dedans. Là. Quand tu sais, engager les abdominaux, ça veut pas dire de rentrer le ventre comme un fou malade mental. Ça veut dire. De pas être slack. Ça veut dire de pas avoir les abdominaux complètement relâchés. Si vos abdominaux sont complètement relâchés, ce qui se passe, c'est que dans le creux de votre dos, vous allez avoir une courbe. Mm-hmm. Puis la courbe, c'est une tension dans le bas du dos. Encore là, c'est pas la posture idéale. Une façon d'expliquer comment engager vos abdominaux, tu Je le ferai pas, là, je vous avertis, je le ferai pas. Tu t'imagines que j'arrive pour te donner un coup de karaté dans le ventre. T'sais, ah, le merci! Petit, hein? Ouais, je le ferai pas. Tu sais, le petit hip que tu fais pour te... tu sais, te contracter pour comme protéger, là, c'est comme ça se fait naturellement, dire hip avant de donner un coup dans le ventre. Bien, ça, c'est une contraction musculaire. Puis c'est à peu près ça qu'il faut aller chercher. Pour, fait que tu sais, t'es à moitié... Tu sais, t'es pas le ventre rentré jusqu'au complet. T'as juste une petite contraction musculaire, juste ça... Ça va t'apprendre à engager tes abdominaux puis garder ta bonne posture. C'est sûr que, tu sais, à gauche, tu dis, encore une fois, je reviens, je m'en vais courir, bien là, pas trop penché en avant, pas trop penché en arrière, là, oui, hip, pour les abdominaux. Moi, je vois essayer de vous concentrer, aller courir après, puis c'est un apprentissage. Puis, tu sais, pour les abdominaux, là, faire des exercices pour la gaine abdominale, le core training, qu'on peut dire, il y a un paquet de cours en groupe qui existent pour ça, mais il y a un paquet d'exercices qu'on peut faire pour s'aider à améliorer ça, pour améliorer votre posture. Puis, déjà, si ça, c'est maîtrisé, bien, t'as même plus besoin de penser quand tu vas courir. Là. Fait que, c'est un complément à la course, aller chercher à ce niveau-là aussi. Fait que, la posture, c'est ça. C'est la posture idéale. C'est pas pire en image à date. Oh, nous autres, on m'avait en face, mais les gens à la maison, oui? Oui? OK, parfait. Oui. Fait que c'est clair. Il va aller faire un tour au bureau de posture pour en savoir plus s'il faut. OK. Mais... fait que c'est encore ça. Bureau de poste, je sais pas. Moi, en tout cas, je reçois tout le temps ma malle à retard. Je sais pas où aller me plaindre. Bon, mettons qu'on revient à posture. Au niveau de, tu sais, de la posture, c'est une chose, mais tu sais, ça, c'est le tronc. À part le tronc dans la course, il y a autre chose. Je vous parlais de vous détendre, tu sais, d'étendre les autres muscles du corps. Détendre, ça a l'air niaiseux, là. Tu te dis, je m'en vais courir, là. Puis là, tu y penses pas, t'as les épaules contractées, là, parce que tu dis, je m'en vais courir, là, tu t'essayes d'aller plus vite, ou tu contractes les épaules. Il y a une autre affaire qui peut se contracter involontairement, le visage. C'est niaiseux à dire, là, tu plisses les yeux, tu plisses le regard pour, tu sais, tu peux courir plus vite. La perte d'énergie inutile à travers les muscles du cou, du visage, déjà en partant, tu te dis, relax tout ça. Là. Quand on va courir, c'est pas stressant. Là. À moins que t'aies, je sais pas moi, un chien en arrière de toi qui te court après. Là, tu peux plisser et essayer d'aller plus vite. Là, mais sinon, relâche tout ça. Une autre affaire qui peut être portée, être contractée quand on court, c'est nos poings. Ah. Est-ce que vous pensez... on fait ça un test? T'as un crayon, Mathieu? Bon. Quelque part? Ouais. Prends ton crayon, là, puis là, tiens les fonds, là. Tu sais, prends ton poing autour, là, puis tiens les fonds. Ouais. OK, déjà, en partant, puis continue de tenir les fonds, moi, je continue de jaser. Ma main va devenir rouge. Ouais. Ou blanche. Déjà, ou blanche, tu sais, il n'y a plus de circulation. C'est là, ça. Je veux déjà, en partant, que tu vois le feeling. Est-ce que tu penses que de faire ça, ça va t'aider à courir mieux? Sûrement pas, non? Sûrement pas. Peut-être la course en relais, j'imagine, si tu veux pas l'échapper. Tu veux pas échapper ton bâton ou ton... Non, ou ça, t'aidera pas. Ça t'aide pas à courir plus vite. Puis tu sais, je veux savoir, ça te demande, tu peux aller un certain effort en ce moment de juste tenir le crayon. J'ai pas à y penser ben, mais ouais, j'imagine que mon corps... Il y a un effort qui se fait dans... Non, mais plus fort, plus fort! Ouais, c'est plus fort! C'est un tube de porte-à-tête, c'est un petit crayon, c'est un petit crayon, il est pas... C'est pas ton crayon non plus, c'est le seul que t'as, tu sais, le budget, là. Pense au budget. La mine, même plus de mine dedans. Fait que tu sais... Fait, OK, là, tu peux relâcher, là. Puis là, juste voir quelle main des deux. Tu sais, il y en a une des deux qui est comme plus relax, ça va bien. L'autre est comme plus contracté. Tu dis, ouais, imagine ce feeling-là pendant que tu t'en vas, moi, je sais pas, là, 30 minutes, intervalle, marche-course, à contracter de même les deux bras, les deux mains. C'est complètement inutile. Ouais. Ça va te faire comme juste dépenser encore de l'énergie de façon inutilement. Fait que les mains... Pas besoin d'avoir les poings serrés. On court les mains dans les poches. Ouais, les mains dans les poches. Ouais, ma tête, tu vas voir, ça va faire une problématique. Je vais le... Tes mains serrées, c'est problématique, mais les mains trop molles, là, tu sais, comme si tu faisais sécher ton vernis à ongles, ça aussi, c'est une dépense d'énergie inutile. Ouais. Ça pointe dans le vent. Oui, ça pointe dans le vent. Puis là, il faut que tu luttes contre le vent. Fait que, tu sais, tes mains, là, peuvent être juste comme les doigts, tu sais, mis ensemble, mais sans serrer inutilement les poings. Ça, c'est la position idéale pour les mains. J'en viens aux bras maintenant. C'est suggéré, quand tu vas essayer d'apprendre à courir, d'apprendre à maîtriser la position de tes bras, avant d'apprendre à maîtriser la position de tes jambes avec l'atterrissage au sol et tout ça. Pourquoi? La dépense, encore une fois, d'énergie qu'on peut brûler avec les bras, puis qui aidera absolument pas à la course, va être complètement inutile. Fait que déjà en partant, puis ça, je l'utilise. Hein, quand je donne des cours, là, on utilise beaucoup la dépense énergétique par les bras. Je sais pas si tu as remarqué, là, on les utilise beaucoup, les bras. On utilise nos gras aussi. On utilise beaucoup nos bras dans les exercices d'aérobie ou de cardio. Pourquoi? Parce que ça nous fait dépenser plus d'énergie. Ça nous fait dépenser plus d'énergie. Ça vous fait penser à... Je viens aux deux semaines, là. Dépenser plus d'énergie, Dire des milkshake. Ah non, ça veut dire perdre de poids, non? En calories. Oui, voilà. On dépense, on brûle plus de calories. Oui. Fait que si ton objectif est d'aller courir pour dire là je vais courir là juste pour dépenser plus de calories là, mais moi je te dirais que casse-toi même pas la tête à aller dehors, cours sur place avec les deux bras au-dessus de la tête. Okay. Ça va être tellement exigeant de surutiliser tes bras que tu vas maximiser ta dépense d'énergie, maximiser ta dépense de calories. Tant mieux. Oui. Mais si ton objectif est d'apprendre à améliorer ta course, d'apprendre à courir plus longtemps, avoir moins de difficultés à faire des grandes distances et à être obligé d'arrêter à la marche parce que t'es fatigué. Et aussi prendre l'air bronzé puis voir d'autres choses que ton salon. C'est ça, parce que tu sais, on s'entend-tu que pendant 30 minutes sur place avec les bras sur la tête, tu fais ça une fois dans ta vie puis tu le refais plus jamais. Alors. Fait que, ça pour dire que si ton objectif est d'aller dehors puis d'apprendre à mieux courir et tout ça, ben là, à ce moment-là, use pas de cette dépense d'énergie inutile-là. T'sais, maximise ça, tes efforts ailleurs que dans les bras. Fait que ceci étant dit, les bras, la position idéale, déjà en partant, les coudes, on peut se dire que ils peuvent être de chaque côté du corps sans avoir à surélever les coudes de chaque côté parce que si on déplace, ben premièrement ça pogne dans le vent. Surtout si tu as le petit gras de babaille important là, ça pogne dans le vent. Mais c'est pas ça la vraie raison. C'est que quand tu soulèves ton coude vers le ciel, vers le plafond, tes épaules puis tes trapèzes sont encore plus engagés. Mm-hmm. Encore une fois, tu surutilises tes épaules pour rien. Ça demande un effort de décoller. Fait que t'es là collé de chaque côté. Au niveau du coude en tant que tel, le fait de faire une flexion-extension du coude, c'est un mouvement comme si on prend un poids et on fait des biceps. Mmh. Là. Le fait de plier-déplier le coude t'aidera pas dans ta course, ça va être complètement inutile. Fait que tu peux essayer de garder le 90 degrés naturel. Mmh. Là, pour ceux qui sont pas bons dans les angles, là. Fait que j'ai essayé de trouver des exemples. Tu sais, une feuille de cartable, là, le coin, c'est 90 degrés. Bon, c'est une porte, une fenêtre. Oui, tu sais, un carré. Là. Oh oui, un carré. Ah, ben ça, à la limite, la porte, la fenêtre, ça dépend dans quel type de maison. Encore là, ça veut pas dire de sortir ton écran puis de voir si ton coude, c'est pas grave si ton coude est bon. Ça va te demander plus d'énergie si tu essaies de pas le bouger. Tu sais, à l'inverse. Ouais. Mais juste dire, regarde, il reste une position normale à peu près 90 degrés. Pour se donner une idée. Faut être à la fois mou et tonifié. Oui, c'est toujours comme, tu sais, trop, c'est comme pas assez. C'est tout le temps ça en course, c'est le même pour toutes les positions, toutes les techniques. Par exemple, au niveau de l'épaule, là, il doit avoir un balancement. Fait que, tu sais, là, oui, l'angulation au niveau de l'épaule doit se promener, tu sais, de devant à l'arrière. Fait que, tu sais, ton coude va aller vers l'avant, va aller vers l'arrière. Fait que c'est l'épaule qui va faire un mouvement de devant à l'arrière. Pourquoi? Pour vous aider dans votre propulsion puis pour vous aider à maximiser votre énergie au niveau des jambes. Mmh. Vos bras vont vous aider à vous déplacer grâce à l'effet de propulsion que ça va avoir aussi. Fait que ça va se passer au niveau de l'épaule, de devant, derrière, et non au niveau de l'épaule, de en haut, en bas. Mais ça, normalement, c'est un mouvement naturel. Quand on marche, ça le fait tout seul. Oui, ça le fait tout seul. Tu essaies de marcher plus vite, tes épaules vont bouger plus vite, mais il y a quand même des petites erreurs qu'on va voir, qu'on va corriger de la personne qui va serrer trop fort les poings, qui va battre trop vite des coudes. Inutile, là, c'est ou surutiliser les bras, ou tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut voir. Fait que les bras, c'est la technique idéale. Mais encore là, c'est tout le temps pour vous donner l'information que la technique idéale, c'est ça, mais il faut en prendre en laisser. Concentre trop, tu as un mal à la tête, tu ne voudras plus aller courir. Fait que ça, c'est au niveau des bras. Fait que là, on a parlé de la posture, on a parlé des bras, on a parlé de la tête en général, relâcher les muscles et tout ça. J'arrive aux jambes. Aux jambes, l'erreur la plus fréquente qui peut être faite, c'est d'essayer de faire les grandes enjambées. Tu sais, tu dis, je vais aller courir, je vais gambader. Tu dis, là, il me semble que ça va être bon. Ah, oh, ouais, tu te sens comme une gazelle. Oui, oui. Fait que là, tu fais, ah, let's go. Là. Fait que là, je vais faire des grandes enjambées. Puis, la problématique avec la grande enjambée, premièrement, c'est que, tu sais, tu as ton corps, tu es droit, tu es debout. Tu fais une grande enjambée, ton pas, là, tu vas aller le porter loin en avant de toi en faisant une grande enjambée. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Quand on court, il faut que les pieds restent en dessous de nous. Ah. Pourquoi? Si ta grande enjambée, tu sais, t'arrives puis tu fais ta grande enjambée, automatiquement, là, ton genou va être en complète extension. Tu sais, il va être étiré au maximum. Ce qui va arriver, c'est qu'en étant étiré au maximum, la première chose qui va arriver au sol, loin devant vous, c'est le talon. Attaquer avec le talon dans la course, c'est une des pires choses qu'on peut faire pour se blesser. Puis des fois, on ne sait pas trop. Ah ouais, OK, je pensais que si tu agrandis ton extension, que tu vas attaquer avec le talon, ça va faire un choc dans tes articulations. Tu sais, ton genou va être au maximum, ça va venir étirer le muscle, puis tu peux te faire un claquage. Déjà en partant, juste en hyper-extension pendant déposer le talon. Mais aussi, tu as une surutilisation des muscles du devant de la jambe. le devant de la jambe, on a le jambier antérieur qui est là, c'est le fun de connaître son nom, là. Mais il y a une problématique, puis une blessure qui revient souvent chez les coureurs. Je suis sûre que vous avez une petite idée de quelle blessure que je peux revenir. Quelque chose qui revient souvent. Est-ce un mot, quelque chose qui vous vient dans la tête, dire les gens qui commencent à courir sont poignés avec ça souvent? Non. Même pas sur le bout de la langue. Si je vous dis périostite. Ah ben oui. Ah, colline d'affaires. Périostite, là, premièrement, toutes les maladies, les problématiques finissent par « it », ça veut dire inflammation. Fait que périostite, c'est une inflammation au niveau du périoste. Le périoste, c'est une membrane qui est autour du tibia, bon, dans la jambe en avant. Mm-hmm. Cette inflammation-là est due au choc, justement, tu sais, au mauvais impact qu'on va faire. Je me demandais, un banane à split, c'est-tu une inflammation de la banane? Ah, c'est bon! Ouais, faire la split, je sais pas si ça crée une inflammation en tant que telle. Ta question est bonne, faudrait que j'aille chercher dans la littérature. Parfait. Wikipédia doit être au courant, d'ailleurs. Inflammation de la banane. Wow! Oh, ça fait mal aux yeux! Fait que, au niveau de votre enjambée, c'est sûr que ça, c'est une problématique d'aller faire un gros pas parce qu'on peut aller chercher des problèmes comme les périostites. Ça, c'est plate parce que quand ça pogne, c'est dur d'enlever ce genre de problématique-là. Il faut remettre de la glace, puis la solution pour traiter ça, c'est le repos. Puis quand on veut se mettre à jogger, c'est plate d'être pogné au repos pendant deux semaines, un mois de temps. T'sais, l'été commence, on est super motivé, puis on est déjà pogné au repos. Fait que déjà partant, ça, c'est à proscrire. Là, à l'inverse, mettons, je vous dis, quand je vous dis pas tout noir, pas tout blanc, là, OK, faut pas faire de grandes enjambées, faut garder les jambes plus sous le corps. Fait que là, tu dis, OK, je vais essayer de faire ça, faire des plus petits pas. Là, qu'est-ce qui arrive quand tu essaies de faire des plus petits pas? Tu peux te mettre à faire l'inverse puis commencer à courir sur la pointe des pieds. Ce qui n'est pas encore mieux. On ne veut pas courir sur la pointe des pieds. Pourquoi pas courir sur la pointe des pieds? Là, je vous fais juste l'image. Là, vous imaginez que vous êtes debout. Puis, tu sais, tu te soulèves sur la pointe des pieds puis tu redescends. Je te le fais pas faire, Mathieu, mais ça me tentait. C'est juste parce qu'on manque de temps, là, puis je vais essayer de rentrer dans mon timing, là. Mais tu sais, tu montes, tu descends sur la pointe des pieds. Ce que tu vas sentir travailler, c'est tes mollets qui vont se mettre à chauffer. Ouais. Ça, à ce moment-là, si tu cours toujours sur la pointe des pieds, ben à ce moment-là, c'est une surutilisation des mollets. Ça va faire une mollette. Une mollette. C'est bon. C'est pas une crème glacée molle, ça, l'inflammation de la crème glacée molle. Ah, vous êtes rendu loin, vous êtes rendu loin. Maintenant, si je reviens avec mes mollets, une mollette, c'est la trop bonne, pareil. Si, surutilisation des mollets, ben là, encore là, vous pouvez faire un claquage qui pourrait être plate aussi, parce que ça, c'est un arrêt encore plus long que ça, puis encore pogné avec les mêmes problématiques. Puis encore là, ben, ça rend ta course inefficace parce que t'es toujours en train de faire du surplace. Tu sais, un peu le spring que ça te donne, là, d'être en surplace, à surutiliser le mollet, ça te fait déplacer plus en hauteur que de devant. Fait qu'encore là, au niveau de la technique de course, si tu jumps trop sur place, tu dépenses toute ton énergie à verticale au lieu de la dépenser à l'horizontale. Fait que tu dis, Colin, en bout de ligne, j'ai encore eu plus de misère à courir mon 1 km, tu sais, mettons un objectif à plus court terme, parce que j'ai tellement dépensé d'énergie à être à hauteur plutôt qu'en distance que c'était moins efficace. Mm-hmm. Fais une parenthèse, Kangoo Jump, connaissez-vous? Ben oui! Hey, c'est fun, ça! Ça, c'est comme des springs que tu c'est comme des grosses bottes là, qui font sauter. Bon, c'est super le fun. Je pourrais faire une chronique juste là-dessus, mais juste une parenthèse pour dire, c'est le fun pour la course et tout ça. La dépense énergétique va être maximisée encore une fois là-dedans, vu qu'il y a un spring en hauteur. Mmh. Fait que tu sais, les gens qui vont dire, ben là, moi, mon but, c'est d'améliorer ma distance et tout ça. Oui, c'est fonctionnel. Oui, c'est le fun. Oui, c'est un jeu. Oui, c'est agréable. Oui, je le recommande à tout le monde. C'est le fun. C'est le fun comme activité. Mais encore là, ton énergie, tu la dépenses plus à verticale qu'à l'horizontale. C'est un peu l'effet de spring. C'est ça, Kangoo Jump. Mais c'est parfait aussi. C'est juste que ça va être différent comme transfert d'énergie. C'est juste modifier un peu l'activité, juste mettre un ça. Peu de piquant. Oui. T'sais, c'est un peu comme dire des rollerblades. À quoi ça va servir de fonctionnel dans notre vie, faire du rollerblade? De fonctionnel, rien. Mais est-ce que c'est amusant? Oui. Oui. Oui. Oui, sauf quand tu te plantes. Stéphanie, t'es encore traumatisée à chaque encore quand je dis, viens, tu fais du rollerblade avec moi. Fait, OK, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai pas fini d'essayer de te convaincre. Tu vas revenir à la société. Fait que c'est ça, le déplacement en hauteur par rapport à... On essaie de garder un juste milieu avec le fait d'aller trop loin en avant puis trop proche en sautillant sur place. Fait que là, on se dit, OK, ben d'abord, c'est quoi l'idéal? L'idéal du pied, quand on le dépose au sol, c'est d'être en appui à mi-pied. Puis à mi-pied, là, je vous le dis, vous allez avoir un besoin de quelqu'un, un spécialiste, un pro, allez voir un kinésiologue pour vous aider. Parce que là, c'est sûr, moi, à radio, je vous expliquerai pas comment faire un appui à mi-pied. Là, c'est difficile. Puis, il faut le pratiquer. Tu sais, c'est tu pars de mi-pied, puis tu déroules vers l'extérieur du pied, puis vers les orteils. Tu sais, c'est une technique qui se pratique quand même. Là, au moins, vous le savez, vous avez une petite idée que si, quand vous courez, ça fait bang, bang, bang, fort probablement que vous attaquez du talon. Fait que c'est ce qu'on veut éviter. Puis, à l'inverse, ben là, si vous courez, ça pointe des pieds. Tu dis, mon talon, il se dépose jamais au sol. Il y a une petite problématique aussi à ce niveau-là. Fait que c'est toujours d'aller voir, regarde, il y en a des techniques au niveau des pieds aussi, de l'absorption du choc au sol, mais il y a toujours un idéal. Mais encore là, tu dis, le fait d'aller consulter pour se permettre de se faire analyser finalement. Parce que même moi, là, tu sais, OK, moi, je vais être très, très bonne pour analyser ta course, Stéphanie, mais analyser ma propre course, je suis pas capable. Pareil. J'allais voir une collègue pour dire, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, comment je pourrais améliorer moi-même ma course. Puis là, ils te font courir soit sur un tapis, puis là, ils vont être capables là, d'analyser ta posture, puis de te donner des conseils et tout ça par la suite. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est être capable d'aller voir un pro pour vous aider dans votre technique, ça va être encore mieux. Mais il risque déjà juste avec des petits conseils de base, de dire, votre posture, relâchez vos groupes musculaire, surutilisez pas trop vos bras, la position des jambes, essayez d'éviter, d'essayer de gambader comme des fous, vous êtes mieux de faire des plus petits pas. Ça va vous aider dans votre course. Mais déjà, d'avoir conscience qu'il y a des techniques pour courir, oui, puis qu'il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas de la bonne façon, c'est déjà beaucoup, oui, je pense. Oui, oui, oui, vraiment, c'est en termes de dépenses d'énergie, d'efficacité, puis d'éviter des blessures aussi, là. Alors, il y a peut-être une petite dernière affaire que je voudrais parler, parce qu'il me reste quelque chose comme 2 minutes dans mon timing, là. La cadence des pas. La cadence des pas, là, c'est... Tu sais, on dit de courir avec des plus petits pas, là. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire plus de pas ou moins de pas quand on court? C'est-tu plus avantageux? Ça donne l'impression que plus de pas serait une bonne chose, mais... Oui, bien, c'est exactement ça. Plus que vous allez raccourcir vos pas, plus que ça va augmenter votre cadence, ben vous allez faire plus de pas. Il y a une cadence qui est recommandée quand même. Puis, tu sais, il y a un chiffre magique, la retenir, ça, vous pouvez le tester. C'est une cadence qui est recommandée pour que votre course soit efficace, pas trop dépenser d'énergie, puis pas trop vous blesser aussi. C'est entre 155 pas et 180 pas par minute. Fait que ça, là, par minute. Fait que, tu sais, c'est une cadence qui est quand même... Tu sais, 180 pas par minute, là, c'est rapide comme cadence. Fait que c'est sûr que ça t'empêche de faire des trop grands pas. T'es obligé de faire des plus petits pas. Une façon de le mesurer, tu peux te chronométrer sur 30 secondes, compter ton nombre de pas, puis là, sur 30 secondes, ça va être entre 80 et 90 pas. Juste voir, est-ce que tu es vraiment, vraiment en dessous de ça? Si tu es vraiment, vraiment en dessous de ça, tu peux dire, je vais diminuer mon enjambé, puis je vais essayer d'aller plus rapidement, augmenter ma cadence. Puis si tu es au-dessus de ça, c'est plus rare que les gens vont être au-dessus de 180, là, c'est plutôt rare. Mais tu sais que tu vas pouvoir peut-être ralentir un petit peu. Des Usain Bolt. Ouais, tu sais, ça fait des... en haut de 180, là, ça va vite. Là, c'est une cadence haute. Fait que voilà, au niveau de la cadence, c'est bon. Enfin, c'est un petit test que vous pouvez faire aussi pour voir un peu là, votre cadence. Wow. Hey, cool, colline d'affaires, hein, ça passe vite, 30 mais minutes. Ça, que, ça vous a-tu donné des trucs pour la course? Ben comme oui. Ça. Tu sais, là, on sait, là, puis là, ça, c'est des trucs de base, mais il y en a un paquet d'autres pour essayer d'améliorer votre course. Fait que, tu sais, le plus important, là, on va parler de technique, là, mais c'est d'avoir du plaisir. Ben tu sais, d'avoir du plaisir, c'est sûr que ça nous tente pas à toutes les fois là, qu'on se dit, tu sais, il faut se botter les fesses pour y aller. Puis, mais de dire quand même, gars, amenez-vous de la musique, tu sais, profitez de la nature, rendez ça comme un moment agréable, puis pensez à comment vous vous sentez après la course aussi. Faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Fait que, tu sais, si vous prenez tout ce que je viens de dire, puis vous dire, hey, faut absolument que j'applique ça, sinon je suis pas bon, vous aurez pas de plaisir à le faire aussi. Puis savoir aussi que peut-être, si justement on a un inconfort en courant, il y a probablement une solution pour le régler. Oui. C'est moins décourageant de t'sais, savoir. C'est pas globalement, je suis pas en forme, je suis pas capable de courir. Mm-hmm. C'est non, il y a un petit quelque chose. Puis ce petit quelque chose-là, je peux aller demander de l'aide extérieure pour me faire aider, pour être en mesure de pratiquer ce sport-là, que ça soit efficace, puis que je me blesse pas aussi. Puis on a dit tantôt, mettez-vous un ficello au-dessus de la tête, ça fait un job aussi. Ben oui, puis une crotte de fromage devant les yeux. Oui, oui. On a courir plus vite. Je suis déçu que t'aies pas reparlé de tronc, parce que j'attendais que tu replogues le mot tronc pour dire petit tronc va loin, mais j'ai pas pu. Ben, gars, t'as pu le faire à la fin de chronique. Moi, je trouve que ça l'achève. Ça nous achève bien. Ouais. Ah! Belle finale. Le meurtrier du gag. Aussitôt que ça va bien et que c'est drôle, c'est du gag. C'est qu'un blague. Donc, Cindy Gilbert. On se retrouve à l'automne, potentiellement. Hey, oui. Ah oui, parce que oui, je vais revenir. Là. Génial. Ben trop de fun. Merci d'avoir passé ta chronique aux deux semaines depuis le début de l'automne. C'est le début de janvier où on a commencé l'automne. Non, je sais pas. Le temps passe tellement vite. Oui, ben. Ça se fait un petit bout, puis on est bien content de t'avoir eu. Oui. C'est Gilles Barry, activez votre santé. Merci. Merci. Nous, on est rendu à la prochaine pause. Après ça, ce sera Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que tu es énervé? Comme toi? Oui. Non, c'est vrai. Non, tu peux être excité. Sois excité en masse. On va écouter Humans avec Follow parce qu'on suit les humains en leur courant après. Comme un ficello. Reviens-en, ton ficello, hein. c'était Humans et la pièce Follow sur l'album Noontide. À au retour, c'est Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Puis qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas quand je dis Noontide, hein, c'est ça? C'est qui comme, Noontide? C'est comme blanchir un peu l'entre... Ouais. C'est ça, c'est au retour. C'est au retour. On arrête ça là. Parce que si t'ajoutes de quoi, ça pourrait tout défaire ce qu'on a fait là. C'était parfaitement... Ça pourrait en mettre trop. C'est ça. Comme... C'est comme quand tu y vas trop vite, quand tu vas le chalet trop loin. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait comme bruit? Là, ça, c'était clairement... Non, t'imagines un bruit de macaroni que tu mélanges? Oh boy. Fou de singularité. Vous êtes dans la zone 89.1. Fou de rock. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi matin, 8 avril 2015, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, maintenant qu'on sait bien... Reculer les épaules, bomber le torse, respirer un peu. On va aller sur le divan s'évacher comme des maudits cochons. OK, yes! Ah ouais. Voici Crackpot TV. Frédéric Bernard. Salut Mathieu. Hey, une belle coupe de cheveux. Hey, merci de le remarquer. Il y a un nouveau chandail aussi. Ah ouais. Cadeau de fête. Mon Dieu, wow. Ah bon, bah, c'est parfait. C'est comme un Mathieu. la lutte me dit bonne fête à chaque oui, semaine. Oui, c'est vrai, on te l'a chanté. À chaque semaine depuis que ça a été ma fête le 17 mars, à chaque match, ils m'ont dit bonne fête. À chaque fois, c'est drôle. Mais c'est combien qu'on sait plus, là. Fait qu'on prend plus de chance, là. On le dit à tous. À ce temps avec Facebook, là, dans ouais. La mémoire. Là. Mm. C'est parce que je suis rendu une personne d'importance dans la lutte. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ça, oui, ça, c'est ça. On t'a même des gilets, là. C'est vrai, c'est ça. Non, c'est pas vous autres. T'es là, Frédéric Bernard, joueur d'improvisation de la lutte, pour nous parler de TV chaque semaine. Oui. On aborde une série, des fois c'est des web-séries, ça peut être des dramatiques, des comédies. Ouais, on a ratissé large, hein, depuis. T'as même fait la télé-réalité temps, avec hein. Bruno Blanchet, ce qui est passé. Documentaire, on va dire. Oui, non, mais, non. C'est pas tellement réaliste, hein, j'aime. Comme je disais, c'est des histoires qu'il raconte ouais. Au fil, donc ça reste un peu fiction. Ouais, ok, ben on va dire. C'est docu-fiction. C'est ça, docu-fiction, ça se dit bien. Ça se dit bien. Oui. Aujourd'hui, quel est le domaine pour commencer, mettons? Dans quel domaine ça se situe, juste pour essayer de nous donner une idée? Ben aujourd'hui, on parle de Renaissance. OK. Fait que ça renaît, ça revient. Les émissions de bébé, là. C'était. Académie, oui, les Razmoquettes. Les Razmoquettes. Hey, j'ai trouvé les Razmoquettes en plus dernièrement sur Internet, donc ça se trouve encore. C'est pour... pas meilleur que c'était, hein? Non. Non, la première génération était bonne. Ah. Oui, je suis d'accord. OK. Je suis d'accord. Ah. Je sais pas pourquoi ils font peut-être des deuxièmes générations des bonnes émissions puis ça plante. Mais dans la deuxième génération, ils sont ados, donc c'est normal qu'ils parlent, donc c'est plate. Ouais, je comprends. C'est moins drôle. Mais je vous parle pas d'une série pour enfants aujourd'hui. Je vous parle d'une série britannique. Ça faisait longtemps que je voulais une série britannique. Moi, j'en regarde beaucoup les séries britanniques, fait que j'aime ça. Là. Déjà, ça m'attire. Mais j'aime beaucoup le style. J'en regarde pas assez, selon moi. Puis beaucoup de séries que j'ai écoutées qui ont terminé ou qui sont morts dans l'œuf. Ouais. Donc, je suis un peu content parce que cette série-là, c'est une série qui revient, que j'avais écoutée. Connais-tu la série Luther? Un peu, oui. Un peu avec Idris Elba, c'est non. Ça, hein? C'est celle-là, ça? Oui, c'est oui. Celle-là. D'accord. Donc, c'est ce que je sais de l'émission. Dans ce une série qui a eu beaucoup de succès en Grande-Bretagne, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis aussi. En France aussi, c'est une série, une fois qui a été traduite, qui a eu énormément de succès au Canada. Un bon succès quand même. C'est diffusé sur Showcase au Canada. Et c'est Radio-Canada qui l'a repris pour c'est le ça. Québec. On le retrouve entre autres sur Tout TV, version payante malheureusement. Allez sur iTunes, ça vaut 10$ pour toutes les écoutes. J'ai lu une nouvelle et là, je m'avance comme je le fais toujours. Puis d'habitude, il y a au moins un ficello de vérité là-dedans. c'est qu'il va y avoir un remake de ça. Et Idris Elba va être genre le réalisateur ou le producteur exécutif, je pense, quelque chose du genre. Je vais me renseigner pendant l'école, mais il me semble qu'il va y avoir un remake. Non, c'est correct, je vais barrer mon punch final. T'es pas en train t'as l'air dire pour vrai? Ben oui, oui, oui, c'est, je confirme ta... Non, mais c'est pas grave, c'est pas un de mes punch. J'ai des choses même plus... tant qu'on parle des Russes tantôt. mais oui, effectivement, je confirme ta nouvelle. Il va avoir un remake américain. Dans le fond, c'est le réalisateur, le scénariste qui est Neil Cross qui va encore écrire la série et qui va être Neil produite... Cross qui est Croix, je pense, en français. qui va être coproduit justement avec Idris Elba. Ouais. Alors, aux États-Unis, alors la version américaine, on s'attend encore que ce soit un peu plus américanisé. Ouais. Comme toutes les séries britanniques qui sont traduites ensuite aux États-Unis. Exact. C'est complètement inutile, selon moi. Complètement, complètement. Mais les États-Unis sont comme ça. Il y a 19-2 qui aurait pu... Ils sont incapables d'écouter des séries étrangères, ouais. On s'entend-tu, là, quand c'est anglais. Même c'est drôle parce qu'il y a des séries qui sont canadiennes, qui sont anglaises, qui traduisent aux États-Unis. Ils refont aux États-Unis. Parce que c'est une série anglaise, c'est britannique, puis là, ils la refont aux États-Unis. Mais aux États-Unis, des fois, ils ont besoin de plus de nombre d'épisodes par saison, des trucs comme ça. Ouais, ils vont écrire leur propre script, puis Ils vont mettre leur propre lien, là. Il faut qu'ils comprennent qu'ils soient dans leur monde. Faut que ça se passe à New York. C'est tout le temps à New York. Dans le fond, ils pensent que le reste, quand ça se passe en France, en Grande-Bretagne, c'est une fiction, ça n'existe pas sur la planète, là. Donc, c'est année de production, alors BBC One qui l'a produit au début. Alors, BBC One, vu que je sais que t'aimes beaucoup savoir les diffuseurs, produit entre autres Doctor Who et Sherlock. Donc, quand même des très bonnes séries à son actif. Des séries un peu plus mitigées comme Merlin l'Enchanteur. Okay. Et des séries que j'ai. Faudrait que j'écoute Reaper Street. Je sais pas s'il y en a qui se sont intéressés à ça. Vraiment, bon, bien sûr, Jack l'Éventreur. Donc, on a des enquêtes là, un peu dans le milieu à l'époque de Jack l'Éventreur. Pas nécessairement sur Jack l'Éventreur, mais vraiment des enquêtes dans ce milieu-là, dans cette ambiance-là. On m'a dit que c'était bien. Faudrait que je l'écoute. Ça fait pas si longtemps que ça qui est diffusé là, ici au Canada. Année de production 2010. Idée Neil Cross qui a fait avant ça deux épisodes de Doctor Who. Ah. Il a fait d'autres affaires, mais c'est pas ça, pour vous donner un repère, c'est pas mal le gros contrat qu'il y a eu. Les acteurs vedettes, Idris Elba qu'on a vu sur écoute, qui joue dans Thor, qui joue un des personnages principaux dans Pacific Rim et qui va jouer dans le prochain Avenger. Je savais pas ça. Oui, alors c'est cool. Il va être bon, il est vraiment bon. Oui. Nomination, je vais en parler plus tard, mais je vais en parler tout de suite. Il a été nominé dans les je vais en parler plus tard. il a été nominé comme meilleur acteur. Alors aux Emmy Awards, si je me trompe pas, c'est les. C'est-tu Emmy Awards? Un prix d'importance. Non, c'est Golden Globe. Bon, de moindre importance, mais quand même. Ouais, non, ben quand même, mais il a été souvent nominé dans les Golden Globe comme meilleur acteur. Au Emmy Award aussi, il a été nominé en 2014 comme meilleur acteur pour cette série-là, entre autres. Cool. Donc oui, un grand acteur, quelqu'un de bien aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Sina Guillory. Je connais pas. Qui fait beaucoup de. Qui a fait des choses connues comme. Qui a joué dans Resident Evil, entre autres, mais c'est souvent des rôles. C'est son premier rôle vraiment d'importance, qu'on pourrait dire. Elle a fait des films, en fait. Des fois, elle a fait des films, mais vraiment que pour se donner un repère, les choses qu'on connaît comme Resident Evil qu'elle a fait, c'était des rôles secondaires qu'elle avait à l'intérieur de ça. Et Warren. Ah, t'as vu? Warren Brown. Voilà. J'avoue, c'est. Ouais, c'est le matin, c'est pas facile. Donc, le résumé. Le résumé écrit de main de maître par Bernard. Oui, par mes mains blanches et. T'es un peu pâle, mais bon, ça te fait bien. Oui, c'est ça. Donc, à Londres, les crimes sont nombreux. Les plus atroces sont laissés à l'équipe de l'inspecteur John Luther, dont celle sur un pédophile meurtrier, que ce même inspecteur a laissé mourir alors qu'il aurait très bien pu le sauver. Suite à une enquête, il est de retour dans son équipe après quelques mois. Une nouvelle affaire horrible surgit, celle d'une jeune femme qui aurait tué ses parents. Il se trouve que la jeune femme est beaucoup plus intelligente que Luther, et alors qu'il cherche en vain les preuves pour la piéger, il deviendra sa proie au fil du temps, les deux partageant une intelligence similaire. Une étrange relation amour-haine se développera entre les deux personnages, mais Alice sait contrôler sa colère beaucoup mieux que Luther. En effet, le policier est victime de son tempérament chaud qu'il laisse éclater souvent durant ses enquêtes, lieu de défouloir suite à la séparation avec sa femme et aux différents traumatismes de sa première enquête. Au fil des enquêtes, notre inspecteur surdoué aura de plus en plus de mal à justifier ses méthodes peu légales et devra compter sur son assistant pour le couvrir en plus de calmer les ardeurs de Alice qui tentera de plus en plus à le pousser hors de ses limites. Une relation imprégnée de métaphores entre les deux protagonistes est cruellement dangereuse pour Luthal. Oh, j'aime ça, ça m'intrigue ça. Donc ça donne un peu le ton, vraiment, ouais. les premières scènes, on voit la fin de l'enquête sur le pédophile. C'est quand même original de commencer comme ça, on commence vraiment dans l'action où on a Luthal qui court après ce criminel-là. Et finalement, bon, ben, c'est ça, il va le laisser, il va mourir d'une façon et Luthal va en être carrément responsable. Là. C'est vraiment de la faute de Luthal, mais finalement, il y a une enquête, on n'est pas capable de prouver qu'il est vraiment responsable. Bref, il revient dans l'équipe. Ça, on met ça de côté, ça n'a pas vraiment d'importance sur la suite, c'est juste pour montrer le tempérament du personnage. C'est les 10 premières minutes du premier épisode. C'est pour montrer le tempérament du personnage, des méthodes peu orthodoxes, un tempérament qui se laisse très aller dans son caractère. Va avoir justement au fil de ces enquêtes-là, et c'est tout le temps des enquêtes qui sont très demandantes. On voit que c'est quelqu'un qui, au fil de ces enquêtes, qui sont tout le temps très, très difficiles, qui sont hors de l'ordinaire, qui a été affecté par ça, et que cette dernière enquête-là l'a affecté plus que tout, jusqu'à se séparer avec sa femme. Oh. Et c'est suite à ça qu'on va voir un personnage, qu'on va voir un lutteur qui va être entremêlé de justice, qui fait pas nécessairement la différence entre le bien, le mal, qui va avoir des méthodes peu orthodoxes pour différentes enquêtes qui sont finalement le cœur un peu à la style Les Experts. Okay. On va avoir, chaque épisode va avoir son enquête, sauf au cours de la saison 2 et de la saison 3, on a changé de créneau à ce moment-là. Okay. Mais sinon, la première saison, c'est vraiment chaque épisode a son enquête. Alors, le premier épisode, on découvre Alice. Ensuite, le deuxième, on va se retrouver avec une affaire de taxi. Le troisième, avec une affaire un peu plus sanglante. Mais c'est toujours... je peux pas en dire plus. C'est difficile, cette série-là, parce que c'est le genre de choses que tu peux tout dévoiler d'un coup. Même la première épisode de la saison 2, j'en parlerai pas du tout, parce que j'ai essayé de montrer une façon d'aguicher, de teaser les gens, mais c'est infaisable avec une série comme ça parce que ça dévoile tous les punchs et sont bien écrits quand même les punchs. C'est vraiment des enquêtes qui sont hors de l'ordinaire. C'est pas du expert. Là. On est vraiment dans des dans des enquêtes qui sont hors du commun, vraiment les grosses enquêtes difficiles que Luthal va prendre c'est sous son aile. C'est pas du fake, là. C'est pas comme les matchs de Luthal. Non, c'est ça. Ça se pense rien. T'as-tu compris le gag? Oui, je vais le réécouter puis je vais l'arrêter. Je vais le refaire. était lu terrible. C'est pas ça. Alors j'ai lu terminé. Je vais t'envoyer mes chroniques la prochaine fois pour tes écrits d'avance. Fait comme ça, les surligner comme. Il va marquer genre applaudir ici comme pour le public c'est de ça, mes c'est shows. Ça. Je sais pas, moi je l'ai pas regardé, fait que je peux pas piner. Apparemment, j'ai quand même de le faire. Moi je sais, mais c'est pour être drôle. Ça s'est amélioré là. Moi ah oui? Oui, ça a rien à voir avec juste le premier. Ah, mais ça a absolument rien à voir. Tu sais, je veux dire, il y a encore quelques trucs que t'es comme, bah non, c'est trop là, mais. Je vais refaire le gag de bord, c'est comme la pancarte applaudir au show d'Éric Salvaire. Ah là, c'est drôle, c'est ça? C'est correct ça? Je peux faire ça? Non, je peux pas faire ça. Je l'ai pas écouté non plus, je peux pas approuver. Je le sais. Vas-y. Le gag de début puis de fin de Guy Jodoin au tricheur. Oh, oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! On est d'accord. T'as gagné. À parler de ça, du Guy Jodoin. Non. Ouais, c'est quoi ta prochaine série avec Guy Jodoin, le genre l'histoire de filles en 80. Là, tu fais. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, hein, ouais, c'est... Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, fait que Luther, justement, on va être dans cette ambiance-là. On vient, on est dans une ambiance noire. Oui. Luther. Luther, c'est une série britannique dont on parle dans Crackpot TV avec Frédéric oui, Bernard. Oui, voilà. C'est ça. C'est là qu'on était situé. Donc, la première saison a 6 épisodes. C'est vraiment court. Britannique veut dire court, on le dit tout le temps. Ouais. C'est très très court. 10 épisodes sont fous. Y a-tu un spécial de Noël comme toutes les émissions britanniques? Pas encore. Pas juste les émissions britanniques. Non, j'avoue, mais britannique, c'est qu'ils vont faire une série, une saison, pendant un bout de temps. Plusieurs années plus tard, ils vont revenir juste pour un spécial de Noël. C'est ce qu'ils font en Grande-Bretagne souvent. Je connais pas l'épisode dans la saison, c'est à part, c'est comme un spécial. C'est encore pire. C'est encore pire. Avec quoi? Toutes les émissions The Office, entre autres. Dont Idris Elba a déjà joué dans The Office. Oui. US, ça va être ça. US, oui. Pas UK. Ça, je l'avais. C'est un punch que t'avais? Non. US, ça vaut plus cher. Tu vois, ça vaut plus cher. C'est le taux de charge de The Office. Ouais, c'est ça. Ils ont échangé Ricky Gervais pour Steve Carell. Je suis en train de... Maintenant que tu me dis ça, je suis en train d'imaginer un spécial Noël de Sherlock. Ah, oh, ce serait drôle, ça. Ouais, ce serait c'est quand pas toujours par rapport... C'est, ça bizarre. Se passe à Noël, mais c'est rarement très festif, ces affaires-là. J'avais vu In-Betweeners, qu'on avait fait un spécial, là, justement, avec lui. Mais bref. La plupart des sitcoms font ça, bref. La plupart. Ouais. Donc, on disait court. Alors, il n'y a pas de spécial avec lui. C'est vraiment court. On a 6 épisodes de 54 minutes. La première saison, chaque épisode est une enquête. Ouais. Alors... propre à lui. On va avoir un fil conducteur au travers de ça qui est finalement l'évolution de Luther avec Alice et un peu l'évolution du personnage qui essaye de se démêler un peu de la justice à cause de ses méthodes, comme je disais. Deuxième saison, bon, ben, ils ont trouvé qu'il était fou dans la première saison, fait qu'ils ont fait 4 épisodes dans la deuxième. c'est vraiment pas beaucoup, 4 épisodes. C'est pas beaucoup, c'est 54 même pas un film, minutes. Genre. C'est la durée d'un film. Et dans la première saison, ils se sont dit, ces épisodes, différentes enquêtes, le défi est pas assez gros, fait que c'est 4 épisodes pour une enquête. Wow! Alors c'est une enquête, là on a une enquête d'un bout à l'autre. T'enlèves le générique, tu le regardes back to back, puis c'est comme vraiment. Ouais, c'est ça, mais pour vrai, je trouve que ça s'écoute vraiment très. Ça s'écoute vraiment mieux quand on les a vraiment un à la suite de l'autre, parce qu'à la semaine, j'ai l'impression qu'on le perd un peu. C'est vraiment, il y a un suivi qui se fait dans ces 4 épisodes-là, puis c'est très très court. Donc, on a tous les liens qui s'est fait dans la première. C'est le genre de série policière qu'on va avoir des liens de la première épisode qui vont revenir dans le dernier épisode. Même le 4e épisode, c'est des 54 minutes, peut paraître un peu long au bout de la 4e semaine. Okay. Et le deuxième, la deuxième saison. Une enquête très originale, alors quand même sur le long, et je peux pas en parler. Ben non, je peux rien dire. Mais sachez que c'est excellent. Ça commence dans un dépanneur, puis il y a des morts, puis c'est ça. Bon, moi c'est ça que j'ai besoin de savoir. Déjà, je suis super intrigué par cette série-là. Ça marche avec moi, je suis public cible, je pense. Moi, je préfère en savoir moins que trop, de toute façon, peu importe. C'est vrai. Moi, c'est ça, faut que je partienne, parce que j'aime mieux en savoir trop que moi. Je suis le genre de gars qui va dire « donne-moi le punch, donne-moi là, je veux savoir. » On a parlé en autre fois, pas de... C'est ça, moi, Mathieu, on est genre à même pas regarder l'extrait de la semaine prochaine. Non. Mais je suis d'accord. Faut regarder une journal de Montréal qui dit qu'il est mort le soir d'avant dans une émission que tu regardes pas. Mais c'est vrai, ça, je suis... Même ça, c'est insultant quand tu regardes pas l'émission. Ça me dérange pour les gens que ça dérange. ça vient me chercher, ça vient... T'es altruiste. C'est vrai, c'est tellement bête, puis... T'as l'air d'une truie, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux me dire? Non. Non, ok. On disait? Ah non, moi je vous laissais aller sur le temps d'une truie, j'avais rien à dire. Le temps d'une truie! Le nouveau bar au centre-ville, le temps d'une truie. Ils servent juste des fish and chips. Oh! C'est mon nouveau restaurant préféré. La troisième, c'est parce qu'il y a une troisième saison. Oui, ok. Fait que malgré ça, et c'est très court parce que c'est tout. Il y a 3 saisons et jusqu'à 4 épisodes. Spécial de Noël plus tard, on sait pas. Ouais, c'est ça, il y a un spécial peut-être un jour. Troisième saison, 4 épisodes aussi, 54 minutes. Un autre qui est d'un bout à l'autre, et on conclut avec ça. Okay. Alors après ça, c'est fini. Ouais. Alors c'est une série qui se veut très noire, alors qui se veut dans un univers vraiment d'inspecteur. Tu parles pas juste de l'acteur principal? Non, je voulais pas les gars. Ben oui, mais là, fallait, à un moment donné, il fallait que ça se dise. Oui, il est noir. mais c'est non, je parle pas de l'acteur principal, c'est vraiment une série policière. Ah, très obscur. Tu jugeais par très noir. Oui, c'est ça. c'est typique, très noir. Là. Ouais, c'est. Donc, une série là, où on va vraiment explorer la rivalité entre Luther et Alice. Alice, que j'ai pas parlé, mais qui est un personnage très sordide. Alors, elle va avoir tué ses parents. C'est assez clair qu'elle va les avoir tués. Mais qui va vraiment se promener autour de Luther, qui va l'aguicher, qui va voir une relation un peu bizarre avec Luther. On sait pas si elle est fascinée par le personnage ou non, si elle est vraiment attirée par lui, et elle va vraiment le chasser. C'est vraiment le chasser qu'elle va faire. Et c'est très philosophique, leur relation. Donc, pour ceux qui aiment ça, là, ceux qui sont en philosophie, là, c'est très bon, la relation entre les deux personnages. On va avoir un personnage qui est la criminelle, mais qui contrôle sa colère, qui contrôle ses impulsions. Et on va avoir Luther, qui représente la justice, qui, lui, ne contrôle pas ses impulsions et sa colère, et qui va se laisser aller. Donc, et les deux vont avoir une intelligence très similaire, au point que, bon... Les deux vont confronter cette intelligence-là plusieurs fois, et même Luther va se retrouver à demander conseil à Alice pour certains de ses enquêtes. Mais Alice est toujours soupçonnée de meurtre tout le long. Donc, c'est ça. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai marqué, je voulais dévoiler un punch à l'heure. non. Pas moi ça, tu. Oui, c'est ça. Faut pas que je regarde sa feuille en plus. Non, c'est ça. Il met un piège. Il met un piège. Oui, puis je te la tiens en plus. C'est ça, la prochaine fois qu'il va te demander de lire un nom, ça va être un punch. C'est ça. Je t'ai eu. Sa première. Bon, c'est ça qu'on disait. Sa première enquête sur le meurtre d'enfant va se refléter tout le long de la série. C'est des crimes graves vraiment de Londres. Okay. Alors, on est vraiment sur des crimes graves que des autres policiers, les autres enquêteurs ne veulent pas enquêter, tellement qu'ils sont atroces et qu'ils vont laisser à lui. Et on est toujours un peu dans l'enquête très hors de l'ordinaire. Une enquête qu'on pourrait écrire ça dans les journaux puis que ça nous sort. Ça serait surprenant. Ce serait pas irréaliste, mais ça serait surprenant de voir ça dans les journaux. Comme j'ai dit, loin de moi l'idée de vouloir lancer une pin justement sur les experts, mais les experts, c'est devenu pas mal des enquêtes qui sont redondantes. Bon, la femme qui a trouvé son mari, qui l'a trompé, qui l'a poussé dans la piscine, puis qui s'est noyé, c'est un accident. C'est pas super recherché. Non. C'est comme la loi et l'or, Law and Order, qui font juste prendre les grands titres des journaux, puis ils font juste recopier le cas qu'il y a dans la réalité. Mais tu peux pas chercher très très loin. Alors que ça, si tu dis que c'est un petit peu plus original, ça pousse un peu l'idée de l'enquête policière. Oui, on est vraiment. On pourrait être vraiment dans les enquêtes là, que si c'était passé pour vrai. Et ça aurait été une bonne recherche que j'aurais dû faire de savoir si ça s'est passé pour vrai, les enquêtes de ce genre-là. Parce que je serais pas surpris. À la fois, je serais pas surpris, mais à la fois, je suis sûr que ce serait le type d'enquête qui pourrait étudier dans le domaine. Là, tellement ils sont parfois... Bon, on en a un, ça dévoile pas un punch justement, c'est sur un justicier. Alors, un homme qui veut c'est un justicier qui est dans la ville, mais qui veut faire justice justement, qui va enquêter sur ses clients. Quelqu'un qui est dans la communauté qui est pas professionnellement. Exactement. Qui prend sa revanche sur les gens qui ont tué quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ben. Genre de Dexter. Oui, genre, c'est ça. Un bon exemple, c'est un genre de Dexter justement. Là. Fait que c'est quand même ce genre d'enquête là qu'on va avoir. Lui, il est pas super. Comparé aux autres qui sont assez... écoutez la saison 2. Écoutez la saison 2! Je ne dirais pas assez. Écoutez la saison 2. Là. Ça... Aujourd'hui, à soir, vous avez le temps. Comment? Oui, n'importe quoi. Ça s'écoute bien. 54 minutes en est-ce une journée. Est-ce que quelqu'un devrait, logiquement, moi, je connais ma réponse parce que je ne ferai jamais autrement, mais est-ce que tu pourrais commencer par écouter la saison 2, mettons? Non, à cause du fil de... Faudrait-je le réécoute? Pour l'enquête, oui. Il n'y aurait pas de problème. Okay. Pour l'enquête, l'écouter, oui, il n'y aurait pas de problème. Pour moi, le fil avec classe. Alice. Non, ça n'a pas de classe. Pas hein. De classe. Moi, je juge les gens qui font ça, je mais. Décroté. Vraiment, hein? La vie de bâtard. Ça n'a pas de sens. moi, j'ai fait ça quand j'ai voulu écouter. Je te juge. J'ai jamais écouté de Big Bang Theory. Puis j'ai voulu écouter ça à un moment donné. Puis j'ai écouté ça l'année passée. Fait que j'ai commencé par la saison 1. Ah, mais... C'est long, long temps. Ouais, c'est vraiment long. J'ai abandonné après la saison. Tu peux faire ça avec Annie et ses hommes, là. Mais pas oui, avec, c'est ça. mais non, ici, on risque de sauter par-dessus la relation, justement, Alice Luther. Puis un peu le personnage. Puis un peu. Il y a peut-être quelques références qu'on comprendrait pas. La saison 3 est un peu spéciale parce qu'on a. Il se déplace, on est vraiment pas dans. On change vraiment dès le début de la saison, on change de ton. Ouais. Donc on a l'impression quasiment que la saison 3 était pas prévue. OK. Pour vous donner une idée. Donc la saison 3 serait sans doute la plus écoutable sans les saisons précédentes. Okay. Relation avec Alice, relation avec sa femme. Donc oui, au travers de ça, sa femme s'est remariée. Alors il y a une relation justement avec elle. Alors au travers de ses enquêtes, alors il faut qu'il départage sa colère avec sa femme, tout qu'il sépare les deux. Il faut pas qu'il mène sa femme à ses enquêtes. Tout ça, on va avoir cette relation là qu'on va voir évoluer aussi. La relation avec son métier qui va évoluer. Alors sa relation là, un peu amour-haine. On sait pas si c'est vraiment un policier qui veut décrocher, qui est pas capable de décrocher finalement, un policier qui veut prendre sa retraite mais qui est pas capable. On va avoir un peu cette relation là avec son métier et son collègue Justin Ripley qui est un jeune enquêteur qui commence et qui va être à côté de cet enquêteur là et qui lui est un peu dans le questionnement du bien mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Alors le côté éthique, c'est lui qui va le représenter là-dedans. Donc j'ai dit Renaissance, il y a une saison 4 qui est prévue. Elle a terminé en 2013 et on va faire une saison 4. Là, ils sont en train de tourner en mars 2015 en ce moment, la saison 4. Okay. Et elle va sortir au courant de l'année 2015 aussi. Cool. C'est efficace, hein? Ben oui. et Il y a juste 4 épisodes, c'est sûr qu'ils sont efficaces, je veux dire, sérieux. Non! 2 semaines, c'est fait, non? Il y a 2 épisodes! Ouais? 2 épisodes! On nous annonce que ça va être une mini-série de 2 épisodes qui vont être de 54 minutes encore une fois. La première de la saison est la finale. Un film? Ben là... Et il va y avoir un film! Ah! Non, voyons donc! Je pense que ça me dit que les épisodes étaient d'une demi-heure, genre chose comme ça. Non, le film va être plus un préquel qu'on nous annonce. Et en fait, le film, j'ai mis plein de points d'interrogation. On nous a annoncé un film avant. Là, on nous annonce une saison 4. On n'a pas démenti le fait qu'il allait y avoir un film. Donc, ça pourrait être le film est devenu une série de 2 épisodes. C'est ça. Ça pourrait être ça. Parce que le film était prévu pour 2015. Le film est supposé être un préquel. La saison 4, on ne sait plus trop si c'est un préquel ou pas. OK. Mais le film, on ne l'a pas démenti encore. Donc, de la façon que j'ai vu sur Internet, cette série-là aurait une saison 4 avec 2 épisodes qui va sortir et un film peut-être dans le futur, on ne sait pas. Wow! OK, c'est... C'est spécial, hein? Ouais, n'importe quoi. C'est britannique. Wow. Défoqué. Tout défoqué. Et la version américaine va être diffusée par... Fox? Oui. Donc, va durer 2 épisodes. Mais ça, ça va pas parce que ça va non, être. Non, c'est parce qu'ils ont vu une série qui était courte, toute. Ils se sont dit, si on la coupe, on va être capable. Mais ils ont fait. C'est Broadchurch qui ont refait Fox récemment, puis ça a pas duré plus que. Broadchurch, ouais, qui ont repris. Ouais. Avec un autre nom et tout ça. Donc, peut-être que ce sera pas Looter, ça va être un autre nom, on sait pas. Fox, oui, ils changent le nom, oui. Oh, ça. Comment. J'ai perdu le nom, j'ai juste. C'est niaiseux, j'ai juste le nom de la série en russe. Je le vois pas là, t'as peu. Looter remake, pourtant. Pendant que tu cherches, comme je disais, Golden Globe, meilleur acteur dans une série, Idris Elba, qui a été nominé plusieurs fois depuis 2011. Mm-hmm. Nominé au Emmy Award pour meilleure mini-série en 2014. Donc, quand même, c'est une série qui est reconnue par ses pairs aussi. J'ai quelques petites informations sur la version américaine. Un article qui date du 10 mars dernier, donc relativement récemment, qui dit que Fox a mis Luther sur le rond en arrière, comme on dit, sur la tablette, quelques instants, parce qu'ils sont pas capables de trouver un acteur pour prendre le rôle de Idris Elba. Oui, c'est ça, parce qu'Idris, il voulait pas le reprendre. Non, c'est ça. Donc, on a considéré l'acteur Marlon Wayans récemment, mais ça a pas fonctionné non plus. Donc, on va évidemment en reparler probablement dans ma chronique Television ou Mathieu Plancheau. Donc, ils ont décidé de faire vraiment style britannique. On sait pas, quelque part, à un moment donné. Chose genre, c'est ça. Donc, une version russe, je l'ai noté, je trouvais ça cocasse. Il y a une version russe qui sort, qui va... Luterski, je m'imagine. Neil Cross aussi va le coacher, le produire, là, la version russe, et ça va s'appeler Klim. Klim? Ouais. Klim. Okay. Je sais pas comment ça se prononce. Hein? Non, ça va s'appeler Clip. donc, version russe. Et pour la prochaine saison, on va avoir beaucoup de noms qui est connu, dont j'ai vu certains noms d'acteurs dans Game of Thrones. Oh, c'est bien. Hein? C'est facile d'aller piger dans une série qui tue toutes ces personnes. Ben, genre. allez pas voir le casting de la saison 4. Parce oui, que c'est voir ça. Qui meurt dans Game of Thrones. C'est ça qui arrive. Là, vous avez pas écouté la dernière saison de Game of Thrones, allez pas checker le casting parce que là, ça vous donne pas mal d'indices. Ouais, vraiment. Positif, négatif? Ouais. Positif, la relation entre Alice et Luther est vraiment très intéressante. On a vraiment un côté très philosophique entre les deux. On met plus de questions que de réponses et c'est quand même très bien comme ça parce qu'on nous donne... On a peut-être un semblant de réponse, mais vraiment, on nous laisse créer notre propre réponse par rapport à ça. Ça donne le goût d'en parler et je pense que c'est très, très bien. Je pense que c'est réussi au niveau de l'écriture quand une relation entre deux personnages qui veut nous questionner nous donne le goût d'en parler ensuite, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mm-hmm. Et cette relation-là, alors Alice, qui est vraiment criminelle, qui est une pas fine, qu'on va finalement s'attacher à ce personnage-là, c'est très bien fait à ce niveau-là, même si quand on réécoute le premier épisode, on l'attend. Trouvera finalement. Les enquêtes qui sont très bien écrites et très bien scénarisées, qui sont ni tirées par les cheveux, comme que je disais, ni trop banales pour ne pas être racontées comme les experts. Alors on se retrouve pas. On est vraiment avec, on s'acharne sur les experts, mais pour. Mais c'est parce que moi, les experts, c'est que là encore, on en a. On a eu une série Miami, on a eu une série New York, on a eu une série. Donc pour moi, oui, c'est. Et veux pas, c'est quelque chose qui est. quand on parle de séries policières, la première chose qui nous frappe, c'est les experts. C'est normal, ils ont défait certaines branches. C'était très original quand c'est sorti. Et maintenant, on en a ça s'est multiplié. Ouais, là, quoi, 300, 400 épisodes, genre, oui, c'est ça. Puis le type de série de ce genre-là s'est multiplié aussi. Mmh. Donc, les séries qui sortent de ce créneau-là sont plus originales, sont rares, si on veut. On a des choses comme True Detective que j'ai parlé dans une précédente chronique, Donc oui, on peut croire que je m'acharne sur les experts, mais je trouve que c'est un bon fil pour comparer entre les deux là. Bon, l'interprétation de Luther, il a gagné un Golden Globe, c'est pas pour rien. C'est vraiment un acteur qui est assez formidable, que j'ai découvert avec cette série-là et que j'ai regardé par la suite, et je trouve vraiment que c'est un excellent acteur. On a l'impression que c'est un acteur qui est très... Si on le découvre avec cette série-là, on a l'impression que c'est un acteur qui est très posé, alors qu'il laisse Luther pas... Luther à terre, comme on dit. Luther à terre. Donc, qu'on a l'impression que c'est un acteur qui laisse pas, justement, sortir trop ses émotions à l'écran. On a l'impression qu'il manque peut-être quelque chose à son jeu, mais c'est quand on voit qu'est-ce qu'il fait dans d'autres films, dans d'autres séries, qu'on se rend compte que son interprétation est très juste son personnage qui est comme ça, effectivement. Les coups de théâtre qui sont très bien mis en scène, les coups de théâtre sont vraiment... Des revirements de situation. De situation, tout, sont très bien emmenés et sont faits souvent avec une certaine logique. Okay. Je dirais ça comme ça. Ouais. Négatif, bon, on va reprocher que c'est peut-être un peu cliché. Le personnage principal. Okay. C'est un personnage qui il fume pas, il boit pas, mais c'est un policier noir qui a de la misère avec sa vie de tous les jours, avec sa femme, et qui se retrouve. Bon, on a souvent, j'ai vu ça, je suis d'accord même. C'est un peu cliché au niveau du policier. peut-être qu'on peut reprocher que c'est très sombre. Il y en a qui vont peut-être pas aimer ça, les séries qui sont sombres, qui sont l'évolution. Un peu comme The Nick, l'autre fois que tu nous as conseillé, l'éclairage est très très faible et on voit pas beaucoup. C'est tamisé, exactement. Ouais. Dans Luther, on va avoir, quand on est en plein jour, on va avoir des nuages gris. Okay. Fait qu'on va faire ressortir le nuage gris, donc c'est très sombre. Si vous êtes en dépression, écoutez pas ça. négatif, c'est court. Oui. C'est très court. C'est 6 épisodes, ensuite 4 épisodes, puis là, 2 épisodes pour la prochaine saison. Soirs et tu regardes tout ce qu'il y a à date. Oui, c'est ça. Ça peut être un point positif si vous avez pas de temps, mais c'est un point ça peut être un point négatif aussi sur le fait que bon, je me sens un peu comme dans Sherlock quand on a 3 épisodes, on dirait que je suis sous ma faim. Ben oui, c'est fait ça. Ou on dirait que on aurait pu des fois on étire trop la sauce. Ouais. Là, comme le modèle américain où t'as 25 épisodes dans la saison, exactement. C'est sûr que c'est trop. Malgré que si c'était juste ça qu'il y avait à dire, vaut mieux qu'il arrête là. Non, mais c'est ça que je dis, des fois on a l'impression qu'il étire trop la sauce, puis là c'est rare qu'on va dire ça, mais j'ai l'impression que là, il y a peut-être quelques affaires qui auraient mérité de plus s'y attarder ou d'approfondir ou de découvrir. Malgré que je trouve que, selon moi, la saison 3 mériterait peut-être d'avoir été un peu plus approfondie. La saison 2, selon moi, est très très bien faite. Je trouve que des 3 saisons, c'est vraiment la meilleure. Pour l'originalité, pour l'enquête qu'il y a en arrière de ça, c'est vraiment très intéressant cette saison-là. Ma note finale? on attend tous ça, ta note finale. Celle qui veut tout dire, finalement. Tout le monde y trouve son repère. Une demi-heure en 3 secondes. T'sais. Donc, c'est une flaque d'eau dans laquelle on peut sauter. Wow. Hein? Avec des bottes d'eau? Ouais, avec des bottes d'eau. Ouais, avec des bottes d'eau. Ouais. OK. Parce que sinon, c'est les bas, ça. Tu trempes après. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Tu sais, je trouvais sombre. C'est quelque chose de sombre. C'est l'image court. Tu sais, c'est un plaisir qui est... Tu sais, tu sautes, mais après, t'es mouillé. C'est fait ça. Que... c'est parfait. Que dire de plus? J'irais à Filuter Station. Félicitations. Ouais, ça marchait pas, celle-là, par exemple. T'as une pause pour la travailler. Ouais, okay. Alors, on te retrouve la semaine prochaine. Oui, je vais être de retour la semaine prochaine avec une autre série qui est pas décidée encore. Là, en ce moment, je suis en train d'en écouter d'en écouter deux, trois. De toute façon, même si tu l'avais trouvé, on veut pas savoir. Non, c'est ça. C'est ça qui arrive. Mais punch, là. Mais celle-là m'a assez intrigué pour que. Elle était déjà sur ma liste, ben honnêtement, l'auteur. Mm. Mais je vais y porter encore plus attention. Oui, crois. Mais très intéressante. Elle vaut la peine d'être écoutée si on aime les séries policières. Là. Ouais. C'est vraiment une série qui est très originale, très le fun. Cool. Mm-hmm. Luther, de BBC One. Mais on veut la version originale. On veut la version originale. Oui. Mm. Oui. Oui. Écoutez toujours la version britannique, c'est toujours, mon conseil. Toujours. Donc, Frédéric Bernard, Crackpot TV, les mercredis à 8h30. On va prendre la petite pause que nous avons manquée tout à l'heure. On va revenir après avec un dernier petit segment de l'émission, puis ce sera pas vraiment compliqué, vous allez voir. C'est juste le temps de patienter, hein, puis tout ça. Pif, pouf, puis ça va être fait. Pif, paf, pouf. Tout assemblage requis, jusqu'à tout à l'heure. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour à Assemblage Requis, en ce mercredi matin, 8 avril, c'est Philippe Paradis. Mathieu Blanc. Oh, j'ai tellement de plaisir à parler de télé avec Frédéric Bernard. J'espère qu'on va l'avoir jusqu'à la dernière semaine. C'est parce qu'il y en a, tu sais, que tu te demandes quand est-ce qu'il va arrêter. Ben ouais. Il n'y a pas l'air du gars qui va arrêter, ça. Ben ouais. Pas l'air à ça. J'espère. J'espère. On va faire, sinon? Je sais bien pas. Faut voir que je me mette à écouter de la TV moi-même puis que je leur parle de ça. Oh, tabarouette. En même temps, t'sais, c'est drôle, mais la chronique Television dont j'ai parlé, que je fais Mathieu Plancho, c'est les nouvelles de télé mondiale, américaine, québécoise. Ça a commencé. C'était quelqu'un d'autre qui faisait cette chronique-là. Mm-hmm. Ça s'appelait pas de même. C'était juste une chronique de nouvelles de télé, mais il est parti après deux mois. Oui, c'est vrai. Ça m'a tellement, j'ai tellement aimé ça en parler avec lui que j'ai lancé la chronique après. Fait que, mais pour ça, moi, je préfère regarder Frédéric Bernard pour ce genre de chronique-là. On n'a pas joué beaucoup de musique aujourd'hui, deux chansons. Ben ouais. C'est tout. Donc peut-être qu'on devrait en écouter une autre. Voici Athéna et Pour un tour dans les draps. Même si ça retrouve un peu du bon, je donnerai jamais raison. Je t'espère trouver mieux que de l'aimer à ta façon. Continue dans la face à concept, puis tu changeras. Yeah! watching us. And you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Danko Jones et Do You Wanna Rock à Assemblage Requis. Et c'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Hi, pif paf! Ah, pif paf! J'avais oublié qu'on l'avait écouté à Athéna aussi avec Pour un tour dans les draps. Demain à l'émission, on est jeudi, on va avoir Marie-Laurence Audet, le retour de sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu, et aussi, attention, Justine Renaud, les deux dans la même semaine. Oh! Oui, Justine va être là avec Justine Pertine, c'est demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez à l'écoute sur nos ondes à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, le marathon, je le dis tout le temps incorrectement, alors que c'est moi qui ai inventé le terme. Le mercredi marathon Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show à 13h et les paparazzi fous à 15h. Automatique avec de la musique électronique à 18h et les audacieuses avec des découvertes musicales à 19h. Mais dans quelques instants, dans une demi-heure environ, ce sera Connaître Ensemble, CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On remercie Sébastien F. Gertin. Oui, Cindy Gilbert. Et Frédéric Bernard. Bien sûr. Merci à toi, Stéphanie Barazin. Merci à toi, Mathieu Plante. Mathieu Plante. Vas-y, mets-toi. Allez, mets-toi. Vas-y, fais-le. On se quitte avec une pièce du palmarès anglophone. Francophone, c'est La Bronze que j'adore, donc ben. Avec c'est l'extrait Explose-moi. Et on se retrouve demain à bye bye. Porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui t'as inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau, tu dis je t'aime trop.